Allez, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Podcastination qui va nous permettre de clore la saga Wii avec un troisième épisode, pardon, sur lequel nous allons revenir sur les principales interrogations que l'on peut avoir sur la console, si c'est une console qui va rester dans l'histoire, si c'est une console qui va être toujours intéressante dans plusieurs années, ce qu'elle a pu nous apporter. Donc à la fois aux joueurs et à la fois aux jeux vidéo en général. Donc pour répondre à ces différentes questions, j'accueille ce soir bien évidemment Toontoon. Bonsoir Toontoon. Salut. J'ai toujours évidemment les gladiateurs que sont Shino Hello. et Gallium. Salut. Voilà, donc nous allons pouvoir commencer tout de suite parce qu'on a vu dans les deux épisodes précédents que la Wii U n'était pas dénuée de jeux et de bons La jeux. oui. Là oui, Oui, pardon, là, voilà, lapsus. Révélateur. Révélateur puisque la Wii U a été lancée il n'y a pas très longtemps. Tout à Il y a fait. déjà des bons jeux dessus. Il y a à peine un mois en fait, finalement. C'est vrai. Pour commencer, alors moi j'ai quand même envie de commencer avec les contrôles de la console de la Wii. Parce que finalement, on a beaucoup fantasmé, en tout cas les joueurs avaient beaucoup fantasmé. Quand la console avait été présentée, en se disant ouais, on pourrait faire ça, etc. Finalement, est-ce que selon vous, ça a été l'aspect en fait de l'utilisation de la Wiimote et du Nunchuk ont été concrétisés pardon de façon importante sur la console? Pour moi, oui. Non. Laissez parler. Je vais Bah peut-être écoute, laisser donner bah leur écoute, avis. on voulait te laisser parler tout, mais après. Voilà, oui. Bah, Non, là. est-ce que par Non, mais exemple. enfin, ce qui est l'importance dans cette question, c'est de savoir comment les attentes qu'on a par rapport à ce contrôleur. Si on veut du. Si, enfin, comme beaucoup l'ont fantasmé au début de la console et que beaucoup regrettent aujourd'hui, c'est que ça fait pas du 1.1. C'est-à-dire. Ça veut Le dire 1.1, c'est que la restitution parfaite du mouvement voilà. D'accord. par la console, Les voilà. gens attendaient une reproduction du mouvement. Et Bah, tu prends. moi, c'est clairement pas ce que j'attendais. Et c'est pour ça que personnellement, je suis absolument pas déçu du contrôleur. Enfin, je suis déçu parce que j'espérais peut-être certaines exploitations, ou en tout cas un peu plus d'exploitation du contrôleur, mais dans l'utilisation qu'en a été faite, je suis quand même très satisfait. Parce qu'on avait vu au lancement d'ailleurs, le lancement de la console, ou quelques mois après, il y avait eu des jeux comme Red Steel, même le Zelda qui C'est vrai que finalement. dans un premier temps, enfin, j'ai pas le souvenir que c'était vraiment ça, oui. C'est vrai que Ouais, après, c'était mauvais, mais c'est pour ça que. Enfin, c'était c'est. amusant, mais c'était pas, je veux dire, on voyait quelque part comme tu dis, c'était pas du 1.1, c'est-à-dire que ça restituait pas forcément les mouvements et au départ, Et oui. c'est. Bah, le truc, c'est C'est. que, en fait, dans beaucoup de jeux de départ, le mouvement remplaçait un bouton. Je pense que c'est surtout ça. Ouais. C'est-à-dire que par exemple, Red au lieu Steel avec d'appuyer les. sur A ou Ça, c'est B, pas gênant, tu faisais en un soi. mouvement et ça remplaçait quasiment un geste qu'on faisait avec un bouton, Mais quoi. C'est juste ça, c'est ça. pas gênant en soi, Non, c'est pas parce gênant. que No More Heroes, par exemple, le fait de passer en garde haute ou en garde basse, ça se fait à la Wiimote, ça pourrait très bien se faire avec un bouton. Mais pourtant, ça apporte le fait de le faire à la Wiimote, ça apporte une profondeur, un naturel que t'aurais pas avec un bouton. Le gros problème d'un jeu comme Red Steel, c'est que en effet, il a été pensé pour faire du 1.1, alors que le contrôleur ne le permettait pas. Et là où enfin, les jeux qui ont réussi à utiliser correctement la Wiimote, c'est que ils cherchaient pas à simuler un mouvement ou à s'approcher d'une réalité. Et il l'intégrait dans un système de jeu sans voilà sans vouloir une simulation ou quelque chose comme ça. C'était apporter une sensation différente dans le jeu. Et c'est là où pour moi c'est une réussite, c'est que jouer à la Wiimote, alors certes ça enfin, le mouvement c'est juste un input. Enfin, ça peut très bien être remplacé par un input. Mais c'est une sensation différente de jeu. Tu joues pas de la même façon. Tu ressens pas les mêmes choses quand tu joues que quand t'appuies sur un bouton. Là, tu prends un jeu comme Deblob par exemple, où c'était bien utilisé, puisque Deblob, la principale action qu'il faisait, c'était sauter. Et finalement, c'était bien retranscrit par le fait de justement, tu n'avais pas de bouton à utiliser, tu avais juste en fait le nunchuck pour évoluer. Et la télécommande permettait de faire sauter le personnage. Exactement, et c'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai préféré le premier de Blob au 2, parce que dans le 2, le saut il se faisait avec le bouton A, et bah du coup tu avais des sensations différentes, et j'ai pas vraiment apprécié ce changement. Bah, il faut dire aussi que le 2 était multiplateforme, donc forcément ils ont dû s'adapter à toutes les plateformes en même Ouais, temps. mais Donc, ils pouvaient très bien faire les versions de PS3 et Xbox 360 identiques et conserver la même maniabilité pour la Wii. Oui, surtout qu'il y avait déjà le modèle du 1 qui existait, et puis le jeu était jouable au Move aussi sur PS3. Oh, ils ont pas voulu se casser le cul tout simplement, je pense. Ouais. Donc pour vous, ça a été plutôt une réussite à ce niveau-là, en tout cas le passage d'un contrôle classique du jeu au contrôle Nunchuk qui était de commande était plutôt une bonne chose pour la Wii et pour les Bah, gens ça dépend qui. des jeux, enfin, ça dépend des jeux tout C'est comme simplement, d'hab, hein, ça dépend et des jeux, ça dépend des effectivement. jeux, et même, mais par exemple, enfin, je veux dire, moi j'ai eu, ça m'a fait ça sur certains gros jeux, et notamment certains jeux Nintendo. Là où j'étais un peu déçu, c'est que quelque part, sur Mario Galaxy, à part la Wiimote, à part pour choper les petites étoiles à l'écran, je veux dire, elles servent pas vraiment à grand chose, et enfin, je veux dire, ça aurait été presque, il pourrait être presque être jouable avec un pad GameCube pour moi. Est-ce que c'est un problème en soi? Bah Parce le que. truc c'est que sur Super Mario Galaxy, en fait, si tu veux, c'est surtout un curseur quoi, qu'on c'était ça en fait pour récupérer les étoiles, Oui. donc forcément Non. c'était Mais ça. Hein. et la tornade qui se faisait, mais qui pouvait très bien se faire avec un bouton, on est d'accord. Mais est-ce que c'est un problème? Ce que je veux dire, c'est que dans une manette, t'as différents boutons, t'as différentes fonctionnalités. T'es pas obligé de tout utiliser, même si oui, le marketing a mis en avant le pointeur et le motion gaming. C'est pas pour ça que tous les jeux doivent l'utiliser, et surtout pour que Après, oui, ça tu perdes. c'était rigolo à utiliser, hein. C'est pas le problème. C'est juste que, en fait, je me suis dit, ouais, je pensais qu'ils auraient davantage un peu, mis davantage de features, enfin, je veux dire, Ouais, de et trucs. si Nintendo en avait mis plus, les joueurs auraient gueulé parce qu'il y en avait il y en aurait eu trop. Oui, parce qu'on partait sur Si un. Du c'était coup, bien fait c'est. en même temps, ils auraient pas Oui, gueulé. non, Tout du coup, simplement, hein, c'est ça, hein. c'est pour ça qu'ils l'ont peut-être pas qu'ils en ont pas intégré plus, parce que ils trouvaient pas de bonnes idées pour l'utiliser. Il y a des jeux, je pense, qui s'adaptent pas à la Wiimote, et enfin au motion gaming, et tout ce qui va avec, et du coup je pense pas que, enfin pour moi, le motion dans la Wiimote c'est un outil qu'on peut utiliser dans certains jeux et qui sont pas utilisables dans d'autres. Après, c'est aux développeurs de s'adapter, de trouver des idées en fonction, Un quoi. exemple typique, c'est justement la belle adaptation que Konami avait faite avec PES. Par Oui. rapport à un FIFA, parce que j'ai pas souvenir que FIFA, je sais pas si FIFA avait sorti, un jeu était sorti sur Wii. Bah FIFA c'est une version PS2, ils ont rajouté un skin foot de rue super SD Ouais, mais pour si au niveau, par exemple au niveau du contrôle, Konami Non, avait montré que. en Après, fait ils c'est la ont. manette à plat quoi. Voilà, T'as la mais Konami avait montré que justement ils avaient. Tu pouvais, avec un petit peu d'ambition et un peu de jugeote, proposer des contrôles vraiment et faits adapté, ouais. pour la Ils ont pris Wii. plus de temps juste pour le faire, quoi, tout simplement. Ouais. Après, Ouais. tandis que J'ai pas Electronic de si bon non Arts. plus, hein, parce qu'il n'est pas forcément accessible. Déjà qu'un PES, c'est pas forcément accessible en soi. Mais il y avait. Mais ça propose quelque chose de différent. Il y avait Oui. vraiment une esquisse de quelque chose, et. Oui, c'est sûr, ça a ouvert d'autres perspectives. Après, c'était pas parfait, mais au début, en tout cas. Mais après, il y a aussi le Wii Motion Plus qui arrivait en cours. Hein, donc après, moi, j'ai pas eu de Wii, j'avais plus de Wii au moment où c'est sorti, mais je pense que ça a dû améliorer quelque part Ouais. ça a dû rendre les contrôles plus Oui, bah fluides. Bah si. on l'a vu principalement sur Grand Chelem Tennis, Red Steel 2, et puis Zelda Skyward Sword, Même le Wii Sport Resort. Oui, ou le Wii Sport, Sport oui, Resort, ouais. Qui était quand C'est même vraiment plus vendu avec, fin, quoi. Qui était quand c'est même plus clair. fin au niveau du contrôle que le premier épisode. C'est clair. Alors, moi, je voulais parler également bah justement du public et de l'élargissement du public auprès du jeu vidéo. Parce que finalement, en fait, beaucoup vont résumer la Wii comme étant la console qui a amené l'avènement du casual gaming, qui a amené un Qui est peu faux. le grand public vers le jeu vidéo. Est faux. Alors, pourquoi c'est faux, ton Parce que opinion? c'est la PlayStation et la PS2 qui les ont Ça, je suis amenés. d'accord. Ouais. Enfin, qui ont. D'ailleurs, enfin, c'était la volonté de Sony d'élargir le public C'est eux qui ont de créé jeux ce vidéo, monstre. quoi. Après, enfin, ça existe depuis la nuit des temps. Oui, bien Enfin, sûr. depuis que le jeu vidéo existe, il y a ce qu'on appelle du casual gaming, il y a des jeux à licence, il y a des jeux Parce que, alors là, pour c'est vrai que les gens qui jouent pas. finalement, le terme n'est pas forcément bien choisi parce qu'un jeu comme Tetris, C'est casual. Mais C'est le, casual, enfin, quoi. le, Si, non, c'est casual le, et le, hardcore en même en temps. soi, Oui, tu peux jouer de deux manières. le terme n'a aucune raison d'être, même au niveau marketing. Enfin, ça veut rien dire. Casual, ça veut dire que, enfin, déjà un jeu casual, ça, si on prend littéralement le terme, enfin littéral quoi, ça veut dire que le jeu, on y joue forcément, on y joue par petites sessions de temps en temps. Un jeu, n'importe quel jeu, ça peut jouer par petites sessions ou ça peut jouer pendant des heures. Donc déjà, un jeu casual, ça n'existe pas. Casual, ça définit un type de joueur. Bah, il y a des joueurs passionnés de jeux vidéo qui jouent de façon sporadique et assez. Enfin, voilà, ils font des sessions courtes, notamment ceux qui ont des enfants, et bah, ils ont pas forcément le temps de jouer et tout. Et on pourrait les classer dans des casual gamers. Et pourtant, c'est des joueurs passionnés. Et voilà. Ouais, mais vous parliez donc de la PS2 et que c'était aussi donc le souhait de Sony d'élargir la base de ces des joueurs. Mais malgré tout, ça restera quand même la Wii Oui, bien qui... sûr, on s'en Bah, souvient le moins parce que truc, c'est une en console fait, casual, mais ce que c'est... je... Excusez-moi. Le truc, c'est que pour moi, Sony, on va dire, l'a pas poussé comme ça dans sa communication. Nintendo, lui, a clairement poussé ça dans sa communication. Quand on voit les pubs et tout le tralala, on voit très bien qu'ils ont voulu viser cette cible familiale. Je vais appeler ça Ah familial plutôt oui. que Après, casual. Sony avait déjà fait des tentatives quelque part Non, avant, mais et disons, ça, on va disons dire que c'est que base, Sony ça. n'avait pas poussé autant. Voilà. Nintendo a clairement, dès le lancement de la console avec Wii Sport, par exemple, on voit que par exemple dans les campagnes de com, ça a été très axé famille. On va Ah oui, mais te ça, pousser Wii ouais, non, Sport, mais c'est Wii Sport, certain, on va c'est te en pousser fait, tout en fait, tralala, et donc le fait de c'est aussi un peu pour vendre. ça qu'elle est cataloguée casual. Pour bien comprendre que la communication aussi a un impact sur le ressenti que vont avoir les joueurs. Si par exemple la Wii s'était lancée avec une campagne monstre sur Zelda, t'aurais eu Oui, bien là sûr. clairement, t'aurais eu tout le monde qui aurait dit ah ouais c'est la console, enfin ouais elle est pas casual, c'est gamer, il y a Zelda puis tout le tralala, enfin Puis tout c'est, simplement ça. mais bon, aussi, on la ressentait comme une console casual parce que oui, il y a comme sur PS2 et peut-être encore plus que Oui, sur ça PS2, aussi. il y a vraiment énormément de jeux faits à Encore la plus même. va-vite pour un public occasionnel et des jeux Mais il pourris, faut quoi. bien comprendre aussi qu'il y avait l'attrait, enfin, il y avait l'attrait, la poule aux œufs d'or même, du motion gaming, qui a été un petit peu comme un appel d'air pour les petits éditeurs, enfin, les petits éditeurs, pas les petits éditeurs, je dirais, mais les développeurs de jeux qui coûtent pas très cher à faire, comme les Wii Sports Lite. Ouais, voilà, comme Mindscape, Mindscape, mais ou oui, même les petits exactement. studios allemands qui te font des Wii Sports Lite pas cher. Voilà, ils te Justement, balancent ça. il y avait l'intérêt aussi, c'était que bah, Nintendo, s'ils ont vendu Wii Sport avec la console, c'est pas innocent, de façon innocente non plus. Si derrière, si 2 ou 3 ans après, ils ont sorti Wii Fit et Wii Fit Plus, c'est pas innocent non plus, hein. Tout à fait. Non, monsieur. Bah non, mais ils savent très bien ce qu'ils vendent Pied dans leur et cible. ils font des jeux Pour pour vendre. certaines cibles Oui, voilà. et ils savent très bien, enfin ils savent, non, ça reste, enfin Wii Fit, ça reste un pari, vendre une balance avec un jeu pour faire du fitness, le tout à 100 euros, enfin c'est quand même un sacré pari. Après, je pense qu'ils ont fait leurs études et tout, Bah, ils savent les vendre, tout Il simplement. savait pertinemment que En les poussant dans bah les voilà, magazines ça féminins et tout, en les avec poussant dans les voilà, magazines avec la pub féminins, qui va avec, voilà. bah c'est un truc, ils se font de l'argent facile parce qu'en plus ça leur coûte rien à produire. Faut bien comprendre aussi que Nintendo avait bien ciblé le truc et que donc ils avaient ciblé les magazines féminins pour viser la cible des femmes. Ils avaient poussé aussi les émissions de grand public sur à la télé où ils te balançaient du oh regardez le machin pour permettre de perdre du poids. Ça aussi, ça a énormément joué sur l'impact Et M. C'est Plus qui clair, avait fait un c'est petit clair. reportage aussi dessus à C'est l'époque. clair, bah, la Oui. télé, les magazines féminins, c'est, enfin, il n'y a que pour la Wii qu'ils ont, que les magazines féminins ont fait des pubs, enfin, ont placé des pubs. Ah Et bah oui, il n'y a que c'est sur une la Wii. communication très spécifique et c'est clair que on a, en fait, on a, avec l'arrivée de Sony dans le marché, sur le marché des consoles, Sony a cherché à étendre la cible, comment dire, le noyau dur des joueurs de l'époque, c'est-à-dire bah, c'était une cible plutôt enfant, voilà, et ils ont cherché à avoir des joueurs de plus des trentenaires, des fans de technologie, etc. Et donc ils ont commencé à élargir la cible, ils ont tenté des choses aussi différentes avec SingStar, avec 8Oi, etc. Et après Nintendo avec la Wii, clairement ils sont arrivés, ils ont dit bah nous c'est pas on veut pas juste élargir notre cible, on veut tout le monde. À partir de là, voilà, ils ont fait une communication et des jeux pour toucher tout le monde, même si c'est le cas depuis le début. Puisque je sais pas si vous vous souvenez, moi j'avais eu la NES à l'époque avec Super Mario Bros et Duck Hunt, et sur le pack Une famille on en train de voyait une jouer. famille en train de jouer voilà, donc ça fait partie Mais enfin ça, en même temps, ça ça a fait toujours partie de été dans la leur philosophie de Nintendo. Faut voilà pas oublier ça, ça. sauf que là réellement Il y avait un vrai retour, ouais, il y avait un ils ont passé un palier et ils ont cherché de plus en plus à attirer tous les publics, et pas seulement les casuals, mais tous les publics. Très bien. Donc, on a pu voir que donc c'est une console qui a quand même apporté un nouveau, comment dire, une nouvelle maniabilité, qui s'est ouvert aussi un public plus important, on va dire. Alors, il y a autre chose qui est marquante au fait aussi au niveau de la Wii, donc c'est une console qui s'est quand même bien vendue. On a atteint les 97 millions d'exemplaires, si je ne dis pas de bêtises pour le monde. Et par rapport, alors moi il y a quand même quelque chose qui m'interpellait pas mal, c'est au niveau du classement des 20 jeux les plus vendus sur Wii. C'est que des jeux Donc il y Nintendo, a pratiquement. sur les 20 jeux en question, il y a 16 qui sont édités par Nintendo. Et le premier jeu non édité par Nintendo, donc ça arrive en 10e place, et c'est Just Dance 3. Ah bah. Alors, moi ce qui m'interpelle, alors déjà c'est la prédominance des jeux Nintendo, bon évidemment on n'est jamais mieux servi que par soi-même, Ce qui est pas une surprise en même temps. mais est-ce que ça n'a pas non plus freiné, est-ce que ça n'a pas non plus freiné justement les autres éditeurs à sortir des jeux sur Wii, sachant que, alors, soit les jeux, donc on voyait les jeux Nintendo se vendaient très bien, et à quelques exceptions près, les jeux éditeurs tiers se vendaient, mais de façon beaucoup moins importante. Et dans la grande majorité, il y a eu comment dire, énormément de jeux qui sont sortis, mais finalement qui n'ont pas eu le succès escompté. Je pense à des jeux comme No More Heroes, je pense à des jeux comme The Conduite? Mad World Après, notamment aussi. Alors que Mad World avait, voilà. y avait eu, alors on en avait déjà parlé lors des podcasts précédents, mais il avait quand même eu, avait été quand même poussé de manière très importante par Sega. Alors, De manière très importante, non, mais il y avait eu des pubs. oui, il y avait Mais des pubs du alors, avec j'ai une le question, Fabrice Banner. Jérôme Le Banner. J'arrive le banner, voilà, La ouais. Mais communication n'était pas transparente non plus, quoi. Il y avait quelque chose, ils avaient quand même mis un peu Ah de. oui, non, mais Ils avaient un peu clairement. communiqué Mais après, il y avait un gros après, problème, faut ouais. voir quand tu communiques sur ton jeu aussi. Là, c'est quand même Mad World. On peut communiquer. Je pense qu'on le jeu aurait été dispo sur PS3 et 360 avec la même communication. Je suis pas sûr qu'il aurait fait beaucoup plus de ventes. C'est un jeu qui est difficile à marketer, je pense aussi. Voilà. Bah tout Alors simplement, hein, après, c'est un jeu qui est difficile à marketer. ce que tu disais. Déjà pour les 20 jeux Nintendo Faut voir les chiffres qu'il y a. Enfin, les chiffres sont monstrueux. Wii Sport, c'est 80 millions d'exemplaires. Mario Kart, c'est 33 millions. Wii Sport Resort, c'est 31 millions. Enfin, c'est des chiffres hallucinants. Et en fait, tu mets. C'est ce que le top 20 de la Wii, c'est le top 20 de cette génération, en fait, quasiment. Enfin, peut-être pas quand même, mais parce qu'il y a les GTA, il y a les Call of qui sont pas mal aussi, mais je veux dire, tu mets les mêmes jeux sur les autres plateformes. En tout cas, en tout cas, le trio de tête et même le Même quatuor, les. c'est Là, je juste sous regarde Nintendo. Hein. les 7 premiers, le 7e, c'est Wii Fit Plus, il est à 21 millions d'exemplaires. Il n'y a Sans pas beaucoup de jeux oublier, qu'on. alors, on parle des jeux Wii, mais il y a aussi les jeux DS qu'on cartonnait, les jeux Nintendo DS qui ont Oui. cartonné aussi. Hein. Mais moi, ce que je voulais revenir, c'est sur. Donc, tu dis, oui, les jeux. Il y a beaucoup de jeux qui n'ont pas fait des résultats mirobolants, etc. En tout cas, non, pas les résultats escomptés. Il y a un peu le même problème sur Et. DS aussi, hein, avec. Oui. Ouais, mais la DS, c'est différent. C'est parce que la DS a été Tu arrives énormément piratée et que. Rockstar avec Chinatown Wars, le GTA dessus qui aurait pu très bien marcher finalement. Finalement, Bah ouais, et il a sorti derrière sur PSP, pardon. PSP, et puis sur iPhone aussi, qui ouais pas marché et ils sur ont dû le iPhone non rentabiliser. plus. Mais là Pourtant, c'est un très bon jeu. la DS, le problème c'est différent, c'est qu'il y a eu énormément de piratage et que ça a ruiné beaucoup de Après, ventes. sur Wii, le piratage il est assez présent Ah ouais, aussi. mais Hein. Je me rappelle que. c'est pas du même niveau que la DS hein, Non, réellement. c'est sûr, mais je me rappelle que quelques mois après que j'avais ma Wii, il y avait déjà des manières de lancer des ISO, Ah des jeux oui. gravés. La Bah Wii oui, est de toute façon. facilement piratable, hein, ça Ouais. c'est clair. C'était quoi? C'était avec Lego Indiana Jones? Il n'y avait pas une faille Ouais, sur le. il y avait. Si, Si, celui-là! le jeu, quand on a découvert la faille, le jeu il a pris 50 euros en occasion Il y avait du des jour lo au lendemain. il y avait des loaders aussi sur MS-DOS, enfin des trucs un petit peu chelous où tu pouvais C'était aussi connecter pour ta jouer console au alors c'était aussi PC. pour jouer en import hein. Il n'y avait pas Aussi, que le Bien piratage sûr, bien sûr, au bien sûr. début il n'y avait pas besoin parce qu'il y avait je sais plus quel c'était Big Ben je crois qui avait fait un freeloader Mais je crois que et le freeloader, il n'était pas disponible, il n'était pas compatible qu'avec les jeux GameCube. en fait non au début il était compatible avec tous les jeux. Et d'un coup, avec une mise à jour, Nintendo, Nintendo ouais, qui a mis à jour. a enlevé toute compatibilité. Il n'y avait pas une faille avec Zelda, Twilight Princess, normalement, Si, non. au début, Si, il y avait si. ça aussi, bah. Il y a eu plusieurs failles et maintenant la Wii est facilement piratable. Hein, d'ailleurs, sur Wii U, elle est déjà pi piratable parce que dans la Wii U, c'est une Wii qui a, enfin le, c'est un C'est un émulateur émulateur de Wii, Wii. quoi. Donc ils ont déjà réussi à mettre leur chaîne Homebrew sur l'émulateur de la Wii. Pour revenir à la question, est-ce que justement tout ça, donc le piratage, on sait que toute console est plus ou moins piratée. Est-ce que le fait que voilà que les jeux Nintendo ont trusté les premières places, le fait que derrière les jeux éditeurs tiers n'ont pas eu le succès escompté à quelques exceptions près, est-ce que tout ça n'a pas justement gêné, empêché les développeurs, les éditeurs d'aller plus Bah, loin dans la dans leur développeurs proposition de jeu sur la Wii? et les gamers aussi, puisque bon, les gamers, enfin je veux dire, si tu te renseignais pas quelque part que tel jeu gamer sortait sur Wii parce qu'il était pas et qu'il était pas de Nintendo, c'était un peu difficile de dire il y a ce jeu-là qui va sortir, c'est une tuerie. La couverture était beaucoup moindre que sur les consoles HD. Et Donc. puis il faut pas oublier une chose aussi, c'est que c'est une console Nintendo. Donc forcément, dans les consoles Nintendo, ben, les jeux les plus attendus sont les jeux Nintendo, puisque Ah ce bah sont des exclusivités. Depuis la 64. Depuis la 64, c'est un peu pareil, on achète la console pour les jeux Nintendo Voilà, donc et fatalement, les jeux l'autre. Nintendo vont se retrouver les plus Bah, vendus de la console. tu prends même la question de la manette, où tu vois la Nintendo 64, la manette de la GameCube était quand même pensée à l'origine pour les jeux Nintendo, vraiment Bah ça a toujours été le cas des consoles Nintendo où Voilà. ils créent le hardware en fonction des jeux qu'ils veulent faire dessus. Ouais, mais je veux dire, c'est beaucoup plus parlant sur ces deux générations de consoles, la 64 et la GameCube, que sur la NES et la Super NES, où on était quand même sur des contrôleurs assez basiques et pas qui n'était pas vraiment pensé que pour des jeux Nintendo, parce que tu prends la manette de la Ouais, 64, c'est vraiment pensé pour. je pense pas que ça vienne du contrôleur, c'est juste que ils C'est ont peut-être une question d'époque aussi. Je veux dire, à l'époque, peut-être que la NES et la pendant la Super NES n'ont 64 pas et été la. pensées comme. Le truc, c'est que pendant la 64 et pendant la GameCube, la Nintendo a joué de malchance aussi sur les consoles de salon. Enfin, je Bah veux dire, de malchance et de mauvaise, enfin c'était oui, une il y a mauvaise politique aussi, parce de que mauvaises politiques et Sony, donc. Ouais. ils ont perdu les tiers au moment de la 64 avec le choix du support cartouche Voilà, ils ont et fait de la merde à ce des niveau-là. choix hardware et des choix de politique où ils demandaient des royalties mirobolants et voilà, ça a fait fuir plein de monde là Et à partir de là, oui, où c'est. Sony payait pour avoir des exclus et était super agressif sur ce point-là quoi. C'est là où ils ont perdu beaucoup de soutien de la part des éditeurs tiers. Bah, on le voit par exemple, un éditeur comme EA, qui est quand même un des éditeurs importants du marché du jeu vidéo, est très peu représenté sur Wii, finalement. Il faut pas aussi oublier que enfin, je reviens, je vais rebondir sur EA. Je pense qu'aussi qu'il y a une question de ce que j'appellerais une multi-support. C'est-à-dire que EA, ils auraient aucun intérêt à faire une version spécifique Wii s'ils savent qu'ils vendront pas Ah, bien sûr. assez. Ce que je veux dire, c'est que par là, c'est que ce qu'ils auraient voulu EA, c'est que par c'est de pouvoir faire son FIFA, on va prendre FIFA, son FIFA avec PS3 368 et pouvoir vendre que ce soit la même version sur les trois. C'est Or que là, voilà. avec la version Wii, le problème c'est qu'il y a une question de puissance qui se posait et ils pouvaient pas faire une version Ben comme la ça version c'est PS3 enfin. 360. Donc ce qu'ils faisaient, c'est que finalement ils prenaient quasiment la version PS2 et rajoutaient un ou Oui, deux modes c'était en plus ça. quoi. Mais le soutien de la part d'EA, enfin, le fait que EA propose des trucs bâclés sur la Wii et très peu de jeux au final, ça s'explique pas que. Enfin, moi, je l'explique pas vraiment parce que. Enfin, à part par une certaine fainéantise, parce que quand on prend Activision qui est à peu près. On va dire dans la même situation, c'est-à-dire des très grosses licences qui se vendent, des très grosses licences multiplateformes qui se vendent par camion enfin, des trucs assez génériques. Et voilà, Electronic Arts et Activision, en tout cas à l'époque, c'était les deux plus gros éditeurs du monde. Activision a porté beaucoup de ses jeux sur Wii, a eu des gros succès sur la console, a fait des jeux exclusifs aussi de bonne qualité. Et à chaque fois, bah, ils s'y retrouvaient. Voilà, c'était pas clairement hein, Call of Duty, c'était pas les ventes Des versions des versions PS3 et des versions PS3 et PS3 360. 360. Mais enfin, ils rentraient très largement dans leurs frais parce que c'est des versions qui leur coûtaient pas grand-chose à faire. Et ils assuraient le million à chaque fois, quoi. Donc, je pense que alors ouais, c'est vrai que bah c'est pas facile, faut faire un jeu différent, faut le marketer peut-être aussi différemment. Mais clairement Electronic Arts ils ont enfin et d'autres éditeurs, ils sont pas réellement foulés non plus pour Non, proposer quelque ils chose ont quoi. choisi leur camp, ils ont choisi je veux dire, de s'axer sur le standard PS3 360, et à partir de ce moment-là, il y a forcément eu un clivage, je crois. C'est pour ça que, pour faire une petite accroche, c'est pour ça que pour moi, je pense que EA va plus favoriser la Wii U que la Wii, parce que finalement, c'est comme s'ils avaient en fait une troisième plateforme où ils pouvaient mettre les PS3 360. Donc là, on le voit avec par exemple Mass Effect 3. Ils Ouais, foutent enfin. Mass Effect 3, la version PS3 360, ils la foutent sur Wii U, et voilà, ils ont rien d'autre à faire. Oui, juste à adapter un petit peu pour le gamepad, Oui, c'est mais clair. voilà. Ouais, enfin. Donc finalement, ça les arrange plus de faire une version Wii U où finalement ça leur coûtera pas grand-chose parce que c'est juste du portage, que de faire une version adaptée par exemple à Mass Effect Wii. Ils auraient eu aucun intérêt parce que ça aurait dû être une version faite de A à Z et qui ça leur Ah, aurait coûté trop de pognon. et Moi puis je comprends y a pas des pourquoi ils ont jeux pas qui. porté les deux autres, mais sinon Le ils le trilogie? feront peut-être Ouais. plus tard. Enfin bref, Ouais. c'est une autre Ils en histoire. ont Ouais. parlé, ils en ont parlé, ils devraient. Enfin, ils vont certainement l'adapter Parce que pour la j'estime suite. que sans les deux autres, ça n'a aucun intérêt. Ah Bon, oui, enfin, après, complètement. c'est. Mais c'est pareil, c'est bizarre pour juste une petite parenthèse là-dessus, qu'ils aient sorti le trilogie. En France, tu peux trouver le trilogie, mais que en version Xbox. La version PS3 a été squeezée Ouais, sans. mais c'est Mais bizarre je crois que ça va revenir. Enfin, c'est juste qu'apparemment, il y a eu un truc Ouais, parce que. Ouais, un parce peu que. Non, non, mais mais même enfin dans la communication et là-dessus, ils ont été vraiment bizarres. C'est-à-dire que ils ont le Mass Effect 3 qui sort sur Wii U, qui est annoncé depuis 6 mois et qui s'apprête à sortir. Et 2 semaines avant la sortie, ils annoncent Mass Effect Trilogy sur les deux autres plateformes. Alors que là, Forcément, ils tuent la version Wii U derrière, quoi. et là tu te trouves avec un Mass Effect 3 sur Wii U à 60 € alors que les deux premiers tu les as sur Ouais, Steam à tu 10 l'as 30 ou euros 40 sur euros. Origin Voilà. t'avais les 3 à 30 €. Enfin bon voilà, c'était Bon, une mais désolation. moi je pense qu'ils les sortiront dématérialisés. Sur le Wii U eShop, à mon avis. Enfin bref, Ouais, ils feront une BD c'est ou. une autre histoire. Voilà, exactement. Voilà. Pour revenir aussi vite fait sur EA, alors il y a un exemple de produit différencié sur la Wii, c'était le shooter Dead Space Extraction, qui avait été sorti, bon, qui après, il me semble, était sorti également sur les deux autres consoles, la PS3 et la 360. Qui était en bonus de Dead Space 2 d'ailleurs sur Voilà. PS3. Et voilà, mis à part ça, on n'était pas. Il n'y a pas eu d'autres exemples de la part d'un des gros éditeurs. Bon, on parle d'EA, voilà. C'est quand même dommage. Ici, ils ont sorti. Ils avaient sorti à l'époque. Si, Grand Chelem Tennis, pardon. Oui. Ouais. Mais à part ça, on n'a pas vu. Tu parles du côté d'IA ou tu parles en général? Alors, c'est vrai, non, je prends l'exemple d'IA parce que l'exemple d'IA est quand même Frappant, fort frappant et utile, ouais. spécifique. Parce que, comme je disais, c'est un acteur qui est important dans le domaine du jeu vidéo. Et il n'y a pas eu non plus de leur part, ils n'ont pas poussé non plus des versions sur la Wii comme ils l'ont fait sur les autres Bah supports. d'ailleurs, il faudrait rajouter que le Grand Chelem Tennis, la suite, a été multi-support ce coup-ci. Hein. La Ouais. suite, ils ont fait Wii, mais aussi PS3 et 360, il me semble. Et avec oui, mais avec un style un peu de graphique différent, enfin c'est plus du tout le même jeu quoi. Et d'ailleurs la D'accord. qualité n'est plus la même C'est non un peu plus. comme le Deblob qui passe au Deblob 2 multiplateforme quoi. Ouais, Un peu star, mais ouais. ouais. Parce que Deblob s'est fait un nom et que du coup c'était peut-être plus enfin il avait plus de chance sur les consoles sur PS3 et 360 parce qu'ils avaient un budget autre aussi. Mais d'ailleurs ça c'est un point que je voudrais aborder, c'est que clairement enfin ce que beaucoup de joueurs reprochent à la Wii, c'est son manque de blockbuster. Il n'y a pas de Uncharted, il n'y a pas de Mass Effect, il n'y a pas de tous ces gros jeux-là qui sortent. Mais il y a tout un type de jeu qui se retrouve pas ailleurs en fait, puisque sur les autres consoles, tu as ces blockbusters et tu as les jeux des maths, les petits jeux indés, etc. Et en fait, tu as toute une frange de jeux qui se retrouve entre ces deux trucs-là. Et qui, à cause de l'augmentation des budgets et le fait que tu sors sur PS3 et 360, tu sors un jeu graphiquement daté avec un gameplay un peu différent, tu es sûr qu'ils se vautrent. Ces jeux-là, ils avaient leur place sur Wii parce que du coup, tu n'avais pas tous ces blockbusters et c'était des jeux différents de ce que proposait Nintendo. Et du coup, c'est tous ces No More Heroes, etc., où tu dis, Romain, qu'ils ne rentrent pas, ils rentrent pas forcément dans. Je sais plus comment tu disais, ils faisaient pas les chiffres escomptés. Oui. Mais au contraire, des jeux comme Mad World, comme No More Heroes, c'est des jeux qui n'ont pas fait des chiffres énormes. Mais qui sont tous rentrés dans leurs frais et qui ont même fait un peu de bénéfices. C'est là où beaucoup de joueurs se trompent, c'est que oui, ils font pas des chiffres mirobolants. Enfin, il y en a peu qui dépassent le million. Mais contrairement aux consoles HD, le million n'est pas obligatoire pour ces jeux-là, parce que le budget est beaucoup plus faible. Et que pour être rentable, un 300 000, 400 000, 500 000 exemplaires vendus, c'est suffisant pour à la rigueur même produire une suite, etc. Et du coup, on a vu plein plein de jeux et on l'a vu dans les précédents podcasts où on a fait toute la liste des jeux. C'est des jeux qu'on n'aurait pas pu retrouver sur les autres consoles. Alors, oui, alors je vais te dire oui. Pardon. Oui, mais non. Oui, mais Non, voilà, voilà. justement. Parce que voilà, on parle. Tu parles du faible nombre de ventes à effectuer pour être rentable, mais justement. T'as quand même énormément d'éditeurs. Alors, c'est là-dessus que j'ai eu un peu de mal à comprendre Nintendo, parce que Nintendo s'est fait connaître notamment, je pense notamment sur Super NES et sur les consoles suivantes, par rapport au Seal of Approval. C'est-à-dire qu'il passait, t'avais une équipe chez Nintendo, et des équipes chez Nintendo qui validaient les jeux avant qu'ils soient vendus sur le commerce pour dire, voilà, on a regardé, ce sont des bons jeux, vous pouvez les acheter. Là, quand tu vois le nombre Il y a jamais... Enfin, c'était pas exactement Ah, ça, genre, il y a jamais eu ça, hein. Non, non, c'était mais pas un manque de qualité, hein, mais... le Seal of Quality, c'était pas du tout ça. Le Seal of Quality, ça veut dire que C'est ceux qui ont ça payé les veut dire qu'ils royalties, payaient hein. les royalties. Payé les Et royalties, ouais, pour ça n'a votre rien à édition. voir avec la Parce que qualité, t'avais hein. quand D'accord. même, sur NES, t'avais quand même un gros, une grosse, gros, une grosse, beaucoup de do, de grosses daubes, en fait, De daube. et voilà, et... THQ. THQ. Comme toutes les consoles leaders, Si en fait, tu, hein. si tu regardes un épisode des épisodes du Video Game Nerd, tu te rendras compte qu'il y a vraiment énormément de jeux pourris sur NES, quand même. Et tu te Mais rends compte qu'à c'est... l'époque, THQ, ils développaient plein de daubes de licence. Voilà, ouais. C'était eux, hein, à l'époque, hein. Bon, Donc maintenant, paye à leur âme, mais... le Seal of Quality, il représentait juste le fait que ce développeur-là a payé les royalties, quoi. Mais, Bon, alors, mais ce qui n'empêche pas que sur Wii, t'as quand même eu un nombre astronomique de daubes. Oui, Hein. mais ça, Oui. c'est Ah bah oui, bah ça. inhérent, C'est là, c'est c'est ce que inhérent je aux disais, c'est consoles l'appel leader, d'air du hein. motion gaming, c'est-à-dire que quand ils ont vu que la Wii décollait, bon bah t'avais tous les petits éditeurs et qui appelaient des petits développeurs allemands. C'est Je quand dis même allemands, la mais console où il y a eu Bienvenue chez les Ch'tis, quoi. voilà, Ouais. exactement. Merci, terminé. Voilà, c'est-à-dire que ça a été un petit peu considéré comme, bah, il y a eu un peu le phénomène de la DS, voilà. Mais il est C'est-à-dire que sorti justement Bienvenue Oui, chez il les Ch'tis, est il est sorti sorti sur aussi sur DS DS. aussi. Et voilà, Et je l'avais donc il y a trouvé, eu. alors pour la petite histoire, cet été en brocante, il y en a quand même qui osait le vendre à 15 euros, quoi. Ah Oh ouais. punaise. Putain. Mais non, mais il y a eu. En fait, il y a eu. Je dirais même le même phénomène que la DS. C'est-à-dire que la console a décollé. Et puis tout d'un coup, il y a eu plein de petits studios qui se sont dit, oh bah c'est pas trop cher de faire un jeu dessus. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, Wii Mais Sport il marche bien. Ah bah faisons des clones de Wii Sport. Le c'est problème c'est qu'il exactement. y a eu 5 ou 6 clones de Wii Sport qui sont sortis et ça a complètement annihilé toute la ça a complètement annihilé tout quoi, je veux Mais dire. surtout qu'ils étaient moins bien que les Oui, jeux c'était des sortis par daubes. Nintendo. Du coup, C'était des daubes. bah voilà. Nintendo, eux, ils faisaient des chiffres astronomiques et puis les autres, ils vendaient rien. Mais du coup, eux, ils rentraient dans leurs frais quand même. Même s'ils vendaient un tout petit peu, ils rentraient dans leurs frais parce que ça coûte que dalle à produire. Oui, mais Mais. peu à peu, et puis après, finalement, ils se sont sciés leurs propres branches. Hein. Toutes Mais les petites boîtes comme ces ça. jeux-là, c'est, enfin, je veux dire, c'est inhérent aux consoles leader, la Ah PS2. oui, mais oui, Il y mais en avait quand complètement. même une tripotée, tous les jeux Disney, Ouais. princesses, machin, des mêmes trucs de mots croisés, des trucs. Enfin, il y en avait quand même beaucoup. Je pense qu'il y en a plus sur Wii, Y a même eu le parce jeu que de la NRA sur y la a quand même un PS2. élargissement du public, etc. Et que voilà, il y a ouais, énormément de daubes, genre les mots croisés tous les 7 jours, quoi. Enfin. Voilà, ça, ah, voilà, c'est ce domaine-là que je disais. Ce qui ressemble un petit peu Mais à ça la reste. DS aussi. Bah, ça a quand même créé un déficit d'image de la part Oui, voilà, de cette Nintendo. image-là C'est ça, le Lui problème, colle à c'est la ça. peau, ouais. Mais C'est surtout ça, et moi, puis. ce que je comprends pas, c'est que des gens qui se disent gamers, etc., qui se disent informés, restent scotchés sur cette image-là. Alors que il suffit Ah bah quand même après, de il pas faut aller dire qu'après chercher bien que... loin pour. Oui, mais après, on est à l'époque du troll facile, donc tu sais. Ça Voilà. non mais ça je suis d'accord mais voilà enfin quand on se dit quand on se dit joueur true gamer je sais pas on passe beaucoup de temps sur les sites de jeux vidéo t'es un minimum informé sur ce qui sort quoi. Ce qui n'empêche pas Oui, de casser du enfin. sucre sur le dos de la console. Alors, après, j'ai pas envie de dire non plus que c'est mérité ou mérité, parce qu'il y a toujours des exemples des jeux qui pourront montrer. Après, bah oui, On non, pourra mais jamais c'est se clair, décider de toute façon. y a des grosses daubes, hein, ça, et puis Alors, la console a ses non, puis même défauts, il y et. a au-delà des grosses daubes qui sont sorties. Enfin, je sais pas. Bon, Bon, après, tu diras que toutes les consoles au début connaissent un démarrage difficile, mais je me rappelle que pendant la première année et demie de la console, c'était pas ça du tout, quoi. Enfin, il y avait juste quelques jeux, mais quelques gros jeux de chez Nintendo, C'est ça, mais. ouais, c'est ça. Quand tu vois 2006, alors ça c'était fin 2006 et tu prends 2007, pardon. Bah d'ailleurs, on l'a vu, on a quand même Faudrait qu'on passé fasse beaucoup moins un de temps sur historique des jeux. on a passé beaucoup moins de temps sur ces deux jeux-là, que sur ces deux années-là, que sur les années comme 2008 ou 2009, où il y avait quand même beaucoup plus de jeux intéressants et importants pour la console. Hein. Ah bah ça de toute façon après Tu prends mais Mais ça, c'est comme toutes les c'est le consoles, démarrage ça. hein, c'est des consoles de démarrage, je veux dire Mais même t'avais quand même enfin je veux dire par an quand même t'avais enfin je veux dire si tu cherchais pas que t'étais pas si t'étais pas super informé par rapport aux petits jeux je veux dire dont on a parlé pendant les deux parties quoi pas forcément les jeux connus mais les petits jeux genre les Diz les trucs sur WiiWare tout ça. Ben forcément, ben t'as quand même un volume par an, je veux dire, de gros jeux qui est quand même relativement Ah oui, moindre non, mais ça c'est que. clair. C'est Après, un des gros défauts de la console, c'est ce que je disais hein. tout à l'heure. Il n'y a pas les Après, sur blockbusters un bon, qu'il y a sur les autres consoles, ça c'est Oui, clair. les locomotives qui auraient pu faire Après, on venir des reviendra. joueurs, et puis voilà, c'est. Après, on reviendra aussi sur la. Je veux dire, sur la fin, par contre, je considère que je veux dire, sur la fin, maintenant que la console est finie, je considère que la ludothèque vaut le coup. Ah oui, alors justement, bah, on peut déjà venir dessus Un liste de si vous jeux. voulez bien. Parce qu'on parlait donc, c'est vrai qu'il y a eu un dénigrement fort de la part des joueurs en général sur la Wii en disant que voilà, c'était une console avec des où il n'y avait que des boosts qui sortaient dessus, entre guillemets évidemment. Mais justement, il y a eu un rattrapage, je trouve, Vers la fin. vers la Sur la fin. Alors, fin, je oui. pense Vers la à fin, plusieurs surtout. choses. Donc, il y a déjà le fait qu'ils aient sorti en l'espace de peu de temps trois éditions spéciales de trois RPG différents. Donc, il y avait Xenoblade en Xenoblade août. Chronicles, En août Pandora Tower, 2010. Et The Last Story. Onze. The Story. Ouais. Tu as aussi la communication qui a été faite autour de. Qui m'a d'ailleurs. Qui m'a quand même pas mal étonné autour de Beat Trip. De Beat de Beat, pardon. Rhythm Paradise Beat de Beat. Ils avaient déjà fait le coup Sur DS. sur DS, Oui. ouais. Avec Beyoncé, s'il te Avec plaît. Beyoncé. Cette pute, Ah putain. ouais, non mais alors moi je prends l'exemple parce que j'étais à la Japan Expo l'année dernière. Et tu as vu Beyoncé? Non, je l'ai pas vu Beyoncé, mais j'ai vu le stand Nintendo. Si voilà, si tu avais, comment dire, le stand était énorme. Parce que tu avais un stand où tu avais une scène compétition avec les jeux. Tu avais Mario Kart, Mario Tennis sur DS, sur 3DS, pardon. Tu avais un petit stand aussi sur le côté Project Zero 2, puisque ça fait partie aussi des jeux qui sont sortis sur la fin de la console. Vers la fin, ouais. Donc, il y a un remake du deuxième épisode Du sorti Ce qui est l'année quand sur même fort, PS2. c'est qu'ils ont sorti le 2 et pas le 1. Oui. En Europe. Ça, c'est pas Le 1, la. le 1, il a jamais été refait. Par contre, c'est le 4 qui a Oui, jamais c'est le été 4, oui, sorti là. voilà, c'est le 4, ouais, Mais voilà. parce que le jeu était ultra buggé et Nintendo voulait pas le sortir comme ça. Et ils avaient la flemme de faire des correctifs. Mais t'as quand même eu pas mal de justement de bons jeux et de la part du Nintendo qui les a poussés aussi. C'est surtout ça parce que quand tu vois les pubs de Beat de Beat, c'était quand même intéressant la façon dont ils ont poussé le jeu quoi. Donc là-dessus, je trouve que alors je vais vous demander à chacun votre avis après, mais je trouve que là-dessus ils sont vraiment bien débrouillés pour ressortir surtout des jeux. Alors, qui sont pas forcément grand public, parce que le RPG en soi est un genre qui n'est pas grand public. C'est des jeux pour comment dire pour redorer leur image, on va dire. Tout à fait. Et pour Ouais. conseiller le catalogue, je pense aussi. Alors moi, Aussi. justement, je Mais trouve que c'est. c'est des jeux qui étaient en développement depuis 4-5 ans. Hein. Oui, Donc et ça aussi. ils Mais arrivent pas comme ça non je trouve plus. ça dommage que tu vois, ils proposent des super éditions spéciales sur ces jeux-là, alors qu'ils ne le font pas sur un Zelda, sur un Mario. Alors, sur un Zelda, il y a eu Le Skyward dernier, il y a Sword eu avec l'édition spéciale. la La Wiimote, Wiimote dorée. pardon, la Wiimote dorée, plus le Le CD CD. de musique, Que je pardon. suis bien deg d'avoir loupé, mais ouais. Mais Voilà, que j'ai. tu n'es pas le On peut seul. s'y refoutre. Mais après, je trouve ça dommage qu'un Mario Galaxy n'ait pas à profiter de ce type de bonus, Parce que le genre. public n'est pas le même. C'est vrai que ouais, y a pas de. Tu Ouais, mais compares au ça truc. n'empêche pas de le sortir pour. Ils ont pas besoin d'en sortir 50 000 en édition spéciale, tu vois. Je veux dire, ils en sortent 2 000 ou 3 000 en édition spéciale et ça peut faire plaisir aux aux gamers qui seront suffisamment nombreux pour l'acheter. C'est vrai que j'avais jamais pensé, mais oui, il y a eu très peu d'éditions collector sur. Surtout quand tu l'as bien vu, Tonton, parce que tu as les trois jeux, toi. Donc, t'as le jeu, t'as une partie de l'OST, t'as un artbook qui est vendu avec. T'as un manuel énorme. D'ailleurs, ça, c'est vachement bien, parce que des manuels, on n'en a plus. Ouais. Y a la boîte, il y a la Steelbox, il y a. Enfin ouais, c'est pour 5€ ou 5 ou 10€ de plus, je crois. C'est ça surtout. Donc c'est vraiment pas cher pour une vraie belle édition augmentée, quoi. Alors après, ils ont sorti des éditions spéciales parce que pour fêter les 15 ans de Mario, pour fêter les. C'est les 25 ans de Mario Bros. Les 25 ans, pardon, c'était pas le. Ouais. Et c'est pas les 25 ans de Mario, c'est les 25 ans de Mario Bros. Oui, t'avais les 20 ans. Je tiens parce que tous les sites ont fait la faute et ça m'a énervé. Et donc, cette édition 25 ans là, c'était quand même bien moisi. Hein. C'était très pour des jeux. Pour des ROM. Pour des ROM, ouais. Deux jeux déjà disponibles sur la console virtuelle en plus. Si tu les lançais apparemment, enfin moi je l'ai pas lu, hein, mais si tu les lançais apparemment, les touches qui étaient affichées à l'écran pour les aides apparemment étaient les mêmes que sur Super Nintendo, j'ai entendu ça. Ah, c'est possible, ouais. Ouais. Tu vois, pour te dire à quel point ils sont pas plus d'ententisme. Ouais, bien sûr. Mais vous inquiétez pas, bientôt on aura les blockbusters et on les jouera avec des DLC. Les DLC inédits, quand on aura l'édition collector, tu sais, voilà. On les aura bientôt sur Wii U, si ça c'est pas beau. C'est ça, voilà. Non, par contre, oui, pour les 25 ans de Mario Bros, franchement, je trouve qu'ils ont fait un truc, c'est très facile et c'est un peu une arnaque, quoi. Je pense qu'ils auraient pu faire un truc bien meilleur, quoi. Ah bah ça c'est clair. Ouais. Mais par contre, ça c'est super bien vendu. Ouais, mais alors que pour les 25 ans de Zelda, t'avais quand même une console collector. Il était pas vendu moins cher, le Super Mario All-Star, sur 25 ans, là. Alors il était vendu 15€. 15 ouais, euros, bah voilà. Donc t'avais les trois jeux, plus t'avais les musiques de Mario, quoi. Bon, après, maintenant, ouais, bah, tu vas voir sur Amazon, il est vendu à des prix indécents. Hein. C'est collector. C'est collector maintenant, bah oui. Mais il me semble que c'était présenté en plus comme une édition collector. Ah, bah, oui, c'est ça, ouais. Alors, Thomas, d'ailleurs, ils ont sorti une version spéciale de la Wii avec ça. Bah, la Wii, oui, de oui, bah, oui. Ouais, la Wii de la 3DS aussi. La DS, oui, la DS. La Wii Rouge, c'était avec New Super Mario Bros, oui. C'est ça, ouais. Avec justement la jaquette rouge. Et New Super Mario Bros. Et Wii Sports aussi avec. Ouais. Mmh. Alors, comme dans toutes les consoles à ce moment-là. Oui, tout à fait. Alors, moi, j'aimerais revenir aussi. Donc, on a vu qu'il y a eu quand même sur la fin de la Wii, il y a quand même eu un effort de la part de Nintendo de revenir vers un public plus gamer. Bon, même si, comme l'a dit Antoine, ce sont des jeux qui étaient en développement depuis un certain temps. Et c'est autre chose que, alors qu'on peut voir, alors ça fait partie des prolongements qu'on va faire par rapport à la 3DS et la Wii U, c'est aussi le fait que maintenant ils souhaitent se rapprocher des éditeurs tiers, un peu pour éviter ce qu'on a vu tout à l'heure avec le classement des 20 jeux les mieux vendus sur Wii. C'est-à-dire aussi pousser les éditeurs tiers à venir sur les consoles Nintendo, parce que voilà, justement, Nintendo, même si Nintendo peut se suffire à lui-même sur ce qu'il faut, ils ont quand même besoin des éditeurs tiers pour sortir un Rayman Origins, un Rayman Legend. S'ils veulent vraiment nickel marché, je pense qu'ils vont devoir. Ils auront besoin des tiers quand même. Et puis même, c'est pour proposer une variété de catalogues. Je veux dire, je vois pas Nintendo par exemple sortir un équivalent de FIFA ou un équivalent Street Fighter 4 par exemple. Ce serait impensable. Donc ils sont obligés d'avoir des tiers pour avoir au moins un catalogue le plus vaste possible et un maximum de joueurs possible. Je m'en fous, j'achèterai pour les consoles, pour les jeux Nintendo, mais j'aimerais vraiment bien que sur Wii U, il y ait des jeux tiers et des bons jeux. Si Nintendo réunit les jeux multiplateformes plus ces jeux, clairement, il y a des joueurs qui vont acheter qu'une Wii U et pas deux consoles comme ils l'ont fait pour cette génération. Du coup, après ça c'est... Il y a un problème encore technologique. Encore faut-il avoir les moyens, monsieur. Il y a un problème technologique, etc. Mais Mais Et c'est plus oui, fluide. l'intérêt d'avoir les enfin l'intérêt de pour Nintendo d'aller chercher les tiers, il est réel quoi. Enfin voilà et c'est clairement enfin ils l'ont essayé au début de la Wii, mais ils savaient pas trop comment faire parce que ça faisait depuis la 64 ils arrivaient plus à attirer les développeurs les éditeurs tiers. Mais là, ils s'en sont rendus compte à peu près au milieu de la Wii. Ils ont commencé à faire des efforts là-dessus. C'est que principalement, le meilleur moyen d'avoir des jeux tiers sur sa console, c'est de les acheter. C'est ce qu'ils ont fait avec Monster Hunter, c'est ce qu'ils ont fait avec Dragon Quest. C'est C'est ce des qu'ils font licences avec qui. Bayonetta 2, là, aussi C'est en ce ce qu'ils font moment. avec Bayonetta 2, c'est que ils promettent, hein, et c'est ce qu'ils ont fait avec Capcom sur Street Fighter, par exemple, sur 3DS ou des jeux comme ça, c'est qu'ils vont chercher les éditeurs et ils leur disent, bah, on vous paye une communication, on vous paye une partie du jeu et puis vous le mettez sur notre plateforme. Ce que Microsoft avait fait avec la 360 au début, qui a très bien marché, c'est que ils ont été chercher les exclus, etc. Notamment, on se rappelle sur GTA 4 avec les Sur add-ons. les DLC. Ou quand ils sont allés chercher FF13 sur Oui, Xbox. voilà, ouais. Aussi, ouais. C'est vrai que C'est. la 360 a chouré beaucoup d'exclus à Sony. Oui, au début de la console, c'était une hécatombe. Enfin, du côté de Sony, les Ace Combat, enfin, il y avait énormément de jeux qui étaient historiquement chez Sony et qui passaient chez Microsoft. C'est Bah, encore le faut cas. pas oublier aussi qu'au niveau de la PS3, le lancement a été totalement foiré. Donc, c'est ça hein, qui a créé Oui, non, mais et la puis sorte de bah, fuite, hein. Microsoft a aligné le fric aussi. Ah, ils ont Enfin, aligné le voilà, fric et puis il y a aussi il y a une eu exclue, maintenant ça s'achète. Il n'y a voilà non pas mais non mais ce que de. je veux dire c'est que d'un côté il y avait plus le phénomène comme à l'époque de la PS2 où finalement il suffisait de mettre le 2 à côté du nom PlayStation et hop ça se vendait par kilo. À l'époque de la sortie de la PS3, on avait plus ce phénomène et donc c'est pour ça, à un moment-là, les éditeurs ils savaient pas quoi faire. Bon, Microsoft à côté était avec les bistons, bon ben ils ont profité et puis voilà, hein, tout simplement. Il y a aussi une chose qui va être très importante par rapport à la Wii U et par rapport au soutien des éditeurs tiers, c'est le coût de développement. Ah bah Alors, ça, oui. au-delà du fait qu'il y en a beaucoup évidemment qui vont nous proposer des rééditions, des redites de ce qu'ils ont sorti Des sur PS3 portages. et 360, c'est pas forcément le coût de développement sur ces consoles-là, c'est plutôt le coût de développement sur les futures consoles qui risque d'être encore. Mais Eh ben, elle ça risque de se justement, retrouver au ça même va être niveau que très la important Wii. parce que Ah, mais l'écart va se creuser à un moment non ou à un mais autre, hein, c'est ce sûr, qui hein. va non non non mais ce qui va être très important aussi c'est de savoir justement le pari que vont être faits par les deux par Sony et Microsoft parce que il faut pas oublier qu'il y en a un qui peut aligner les chèques comme il faut mais Sony ça va être la grande question parce qu'ils sont en très grosse difficulté financière et que Ah, ils donc sont dans la merde, oui. ils sont dans la merde. Donc, si jamais ils misent sur une console qui serait au niveau de la 720, enfin le nom de la prochaine 720. Xbox, oui, non, mais ou Durango, enfin tout le Nom de tralala, tous les mots de Dieu. code, Non, mais mais je pense que non, tu dis mais 20, c'est pour ça, mais oui, voilà. c'est pour ça, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Sony, ils sont dans la merde financièrement et eux, ils ont une. Il y a un pari stratégique à faire de leur côté. Est-ce qu'ils vont miser tout sur la puissance au risque de couler ou est-ce qu'ils vont chercher un petit peu entre guillemets le pari Wii, c'est-à-dire une console un peu moins puissante mais tout de Je suite pense qu'ils vont accessible pour faire les gens? entre les deux, moi. Parce Moi que je pense aussi. faut qu'ils aient une console relativement facilement rentable. Enfin, qu'ils soient. Je pense qu'ils vont vendre à perte au début, Très mais peu, mais je pense pas très peu assez de pertes, peu. c'est-à-dire que. Voilà, faut Voilà. que. Enfin, Ce sera faut pas pas le qu'ils perdent gouffre de trop de la fric et PS3, en fait. faut qu'au bout d'un an, ça soit rentable, quoi. Et Exactement. donc, faut qu'elle se lance très rapidement. Faut pas qu'elle arrive trop tard, c'est-à-dire. Ils vont éviter au maximum d'arriver après Microsoft. Et donc, à mon avis, il faut qu'ils fassent une console puissante, mais pas trop. C'est-à-dire avec quand même un fossé entre la PS3 et la PS4. Et faut que ça soit aussi, faut que ça tienne la route par rapport aux dernières technologies sur PC. Mais en même temps, faut pas que ça le soit trop. Parce que ça va coûter super cher quoi. Et Bah c'est ça. après moi ce que j'ai peur c'est que ils fassent comme pour la HD et qu'ils misent sur le 4K et le 5K Non, c'est pas la qui peine. Va coûter super cher. Ouais, mais là, ils vont. Enfin, non, mais ce serait se couper le bras. Je veux dire, ça serait se couper la tête. Ouais, là, mais ça serait pas la première fois qu'il ferait ce genre d'erreur. Ouais, mais non. Ce que je veux dire, c'est que à ce niveau-là, Sony deviendrait fou. C'est se faire harakiri. Je veux dire, quand t'es dans une situation où t'es dans la merde totale, je veux dire, tu mises sur tes acquis et tu. Et voilà quoi, je veux dire, essayer de remiser ce que la HD, faut pas croire, ça a pris énormément de temps pour. Bah oui. pour et c'est pour ça être que adopté. La Wii a aussi bien marché rapidement, parce que bah, la HD, c'est. Tout le monde ça a mis pas énormément de temps HD, à prendre, etc. Finalement, c'est seulement maintenant que c'est devenu un standard. C'est-à-dire que. Exactement. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas de télé HD, moi, à l'époque de la Wii. Mais moi non plus, j'avais pas de télé HD à l'époque. Mais il faut bien comprendre que la HD est un standard depuis à peine un an. C'est à peine un an et demi. Et justement, ce que j'ai un peu peur pour Sony, c'est qu'ils misent justement sur la 4K pour pouvoir vendre des télés aussi, quoi. Bah, le problème, c'est que. Mais ce serait. Non, mais pour moi, ce serait nul parce que. Ça, je suis d'accord. Hein, je pense stratégiquement. C'est-à-dire, tu vas pas. On est à peine à l'ère de la HD, ça fait un an et demi que c'est un standard. Que tout le monde en a au moins une télé HD. Et maintenant, Sony veut nous faire hop, c'est fini la HD, allez, on repart sur un autre truc. Ce serait de l'inconscience, même. Pour moi, c'est de l'inconscience stratégique. Juste pour revenir sur la. Sur la Wii, excuse-moi. Il y a une dernière chose qui est importante par rapport à la Wii U, c'est que. Vous en parliez justement tout à l'heure, tout de suite, avec les télé HD, c'est que maintenant, alors. Maintenant, par exemple, les Japonais ont quasiment tous une télé HD. On est quand même sur une console. Parce que moi je vois la 360 que j'ai qui graphiquement est finalement très très bien. Je veux dire, moi si on T'as encore des jeux qui sont très bien maintenant. Hein, c'est... Mais non, c'est si tu joues sur PC, tu commences à voir vraiment la limite. Hein. Ouais, non, alors là-dessus, je vais te dire, je suis tout à fait d'accord. Sauf que moi, à titre personnel, bien évidemment, graphiquement c'est déjà très bien. Et graphiquement supérieur, bah, forcément, ce serait bien sûr bien mieux. Mais en soi, ça apporterait pas énormément, tu vois, t'auras plus le gap, en tout cas, que tu pouvais avoir, par exemple, sur une PS3. Mais justement, on peut se poser la question, est-ce qu'on n'aurait pas atteint un palier, quelque part, avec la génération, justement, des PS3 360. On a l'impression, mais là, quand tu vois ce qui est en train de se faire sur PC... Non, mais réellement, là, la prochaine génération, s'ils veulent mettre de la puissance, il y aura forcément un gros gap, hein. Mais je me demande si finalement la génération qui aura le plus de gap l'année prochaine, ce sera pas tout simplement le PC. Ah mais. Bah si, mais t'as ça, ça qui bon, va, ça a toujours c'est été ça le qui cas. C'est ça qui guide oui. la prochaine génération. Mais je me demande de si ce sera pas encore plus flagrant dans la prochaine génération en fait, parce que finalement pour des raisons financières tout simplement, parce que au niveau PC t'as toujours enfin au niveau PC tu as pas besoin vraiment d'avoir un parc. T'as les ordinateurs, au niveau du parc, t'as pas ce souci-là. Alors qu'au niveau des consoles, tu dois avoir un parc élevé et donc obligé d'être misé sur plusieurs tableaux en même temps. Donc les PS3, 360, Wii U maintenant. Donc il faut voir comment ça va jouer à ce niveau-là. Moi je pense aussi qu'au niveau de la Wii U, tu parlais des Japonais. Moi je me demande justement si la Wii U ne serait pas justement le vrai éveil HD des Japonais. Ah bah si, c'est ça, et ils commencent à la maîtriser là sur ces consoles, enfin sur la PS3 et la 360. La Wii U est légèrement plus puissante. Les coûts de développement, maintenant qu'ils sont organisés pour produire ces jeux-là, les Japonais, les coûts de développement vont être vont pas diminuer, mais enfin voilà, il y aura pas d'augmentation sur la Wii U. Et du coup, clairement, les Japonais pourront prendre la pleine mesure de la HD avec cette console. Et avec la PS3 et la 360 encore pendant un ou deux ans. Mmh. Après, et puis, il ne faut pas oublier aussi que justement, au niveau des budgets de développement, de production, le truc aussi, c'est que maintenant, il y a une console qui se rajoute. Donc, le budget de production sera le même. Mais il y aura une possibilité en plus de le vendre, c'est-à-dire sur une autre plateforme et une autre console. Donc, faut pas non plus négliger ça. Donc, au niveau des développeurs, c'est aussi à Nintendo de faire l'effort d'aller les chercher parce qu'on voit pour l'instant tous les jeux sortis sur cette fin d'année et tous ceux qui arrivent au premier semestre, il y en a quasiment aucun de prévu sur Wii U. Je vois Far Cry 3, BioShock Infinite. C'est vrai que ce serait bien, par exemple, qu'il y ait certains jeux, je veux dire, qui devraient arriver en 2013, qui soient prévus sur Wii U. C'est vrai que ce serait déjà, ça pourrait déjà faire des jeux. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être officialisés, qui vont arriver avec un décalage de quelques mois. Bah, par exemple, Dark Souls 2 sur Wii U, ça me semble plausible. Enfin, je sais pas. Wait and see. Enfin, c'est une autre histoire. Ouais. Ah. Par rapport à la communication de Nintendo, je prends l'exemple de la 3DS où t'as des jeux qui sont annoncés. Tu prends l'exemple justement du Mario Stick and Mario Power. Sticker Star, voilà, c'est ça. Finalement, on a eu la date de sortie quelques semaines avant que ce soit effectif. Mais ça, c'est la communication direct, ça. Nintendo. Non, mais c'est la communication Nintendo depuis au moins 5 ans. On annonce les jeux. Je me souviens, Wario Land, chaque dimension. Oui, ça a été annoncé 3 semaines avant. Il est sorti nulle part. Annoncé à l'E3, sorti en première semaine de septembre ou dernière semaine d'août. Nintendo, ils ont cette capacité-là plutôt bien garder les secrets et à pouvoir sortir des jeux de nulle part. Ce qui va certainement arriver d'ailleurs pour la Wii U. Et ce qui a été le cas pour la Wii, on pense à Donkey Kong Country, les Kirby, enfin. Pas mal de jeux ont été dans ce cas-là. Il y a juste certains gros jeux comme les Zelda qui sont toujours annoncés généralement plusieurs années à l'avance. Ouais, les Mario 3D, c'est pareil. Là, sur 3DS, ça a été le cas pour Luigi's Mansion, pour Paper Mario. Mais ça, c'est généralement les gros jeux qui sont annoncés très tôt. Le reste, tous leurs autres jeux, c'est vraiment, ils peuvent en sortir n'importe quand, quoi. Et c'est le pouvoir du Nintendo Direct, ça. Mais même avant le Nintendo Direct, ils faisaient ça. On va dire que Nintendo Direct a installé, Là, c'est vraiment de n'importe quand. Ça peut être n'importe quand. Ils peuvent nous annoncer un Nintendo Direct et on sort... n'importe quel jeu, quoi. Fire Emblem ou n'importe quoi. D'ailleurs, il me manque la Nintendo Direct. Ça fait 3 semaines qu'on n'en a pas eu. Ça me manque. pour terminer, pas complètement le podcast, mais au moins terminer sur une autre partie des prolongements, je vais parler justement de la nouvelle façon de jouer qu'a apporté la Wii, donc avec le Nunchuk et la Wiimote. Notamment quand on voit Kinect et le PS Move. Ah. Alors, c'est deux choses très intéressantes. Qu'on parle de quoi en premier ? Alors, autant parler du PS Move, comme ça on le mettra de côté tout de suite. Non, franchement, parce que, autant le dire tout de suite, donc le PS Move, donc moi j'ai les chiffres qui sont arrêtés à la mi-novembre 2012. Donc il y a 15 millions de PS Move qui ont été vendus pour 70 millions de consoles. Donc c'est quand même plutôt... C'est plutôt honorable, mais il est vendu en bundle avec la console. Qui en a été faite, c'est-à-dire que un exemple typique, tu prends un jeu comme Killzone 3. Le jeu, donc, en fait, le PS Move a été rajouté, le mode a été rajouté à la va-vite, hein, un peu à la manière du Heavy Rain. Alors on se demande encore, peut-être pour Heavy Rain... c'est à cause du scénario, c'était pas assez profond, le PS Move. D'avoir le PS Move pour jouer au jeu, quoi. Le PS Move, si, il y avait une utilité pour se brosser les dents et tout, c'est quand même de le faire. C'est quand même plus sympa de le faire au Move. À ce moment-là, tu prends une vraie brosse à dents, tu te brosses les dents devant l'écran, quoi. C'est quand même un des jeux, quoi, qui ont le plus l'utilité, je pense. C'est du MPAR. C'est pas pareil. mais voilà, c'est un des jeux qui en a le plus l'utilité sur PS3. Et puis tu criais Jason après, dans ton si PS c'est mal Move, implémenté, bah voilà. Ah putain, après, si c'est mal implémenté, c'est dommage, mais l'utilité, elle était réelle, quoi. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de jeux, en tout cas, qui ont été développés spécifiquement pour le PS Move. Il y a Sorcery Dawn qui est prévu. Il y a Sorcery que... là qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ouais. C'est con parce que... Et qui est pas honnête. Si t'as un Finish One... Qu'est-ce que tu voulais dire, Tonton ? Non, je voulais dire que c'est con parce que le PS Move, c'est un... Enfin, c'est un très bon, une très bonne manette de détection de mouvement. Ça reconnaît très bien les mouvements, c'est ce Ça qui a été reconnaît dit, très ouais. bien les mouvements, mais il y a deux problèmes, c'est que déjà c'est pas en bonne, enfin c'est en bundle avec la console, mais C'est pas une manette de défaut, c'est pas une c'est manette pas par la défaut. manette par défaut. Oui, bien Voilà. sûr. C'est ce qui a fait que la Wii a eu ce succès, enfin que le motion gaming a eu ce succès sur la Wii, c'est qu'il était avec la console. Et l'autre problème, c'est que justement, là, on est très proche du 1 point, ce que les joueurs demandaient au début de la Wii. Et on se rend compte que ça a strictement aucune utilité dans un jeu. Et que le motion gaming, il a un intérêt que s'il est pensé réellement pour s'intégrer dans le jeu et pas ju juste pour Pour faire office d'add-on. non, pas pour faire office d'add-on, mais pour faire du 1 point, quoi, Pour se brosser les dents. pour faire de la reproduction bête et méchante des mouvements. Et c'est le problème, et c'est qu'il faut des idées derrière le motion gaming, et pas juste se dire bah on va Il y en a eu refaire des idées, exactement le il y a eu mouvement, quoi. Wonderbook. Et Wonderbook, c'est très bien exécuté, Non, hein, c'est très bien apparemment, hein. C'est c'est ce que très j'ai bien, entendu dire, ouais. et ça mélange bien la RA. Après, le jeu a peu d'intérêt en soi, parce que voilà, Mais le concept est bien, et l'utilisation, enfin techniquement, c'est bien, quoi. faut pas oublier que la PS3 a proposé aussi d'autres types de jeux avec d'autres types de gameplay. Je pense notamment à iPad, pardon, qui rejoint un peu ce qui était fait à l'époque sur PS2 avec les différents iToy. Et justement, je trouve ça. Ils ont essayé d'aller vers la voie Nintendo parce qu'ils se sont dit, bon, ouais, ça fonctionne avec eux, donc Non, pourquoi pas c'est ça pas fonctionne avec eux? forcément Même aller déjà au vers tout la voie début avec Nintendo, la. Non, c'est déjà au c'est faire départ, ce hein, qu'ils c'est quelque chose qu'ils font toujours. font depuis toujours, Sony. Ils Oui, sont bien sûr. toujours à l'affût de nouvelles technologies. Mais leur problème, c'est toujours le même, c'est que ils sortent des trucs vraiment bien. L'Itoy, quand c'est sorti, enfin moi j'ai adoré. Ouais, c'était cool. L'Itoy de la PS3, il est vraiment bien foutu. Quand tu regardes iPad ou Eye of the Judgment, enfin voilà, c'est de la bonne technologie. Le Move, c'est de la bonne technologie. La PS Vita, c'est de la bonne technologie, mais ils les poussent pas. Enfin, Et ils les sortent et après ils les abandonnent tout simplement. voilà, Ils c'est les ça. exploitent C'est pas. qu'ils s'en servent pour un concept, deux concepts, et puis ils en font rien derrière. Voilà. Il n'y a pas de suivi. Donc il y a des très bonnes idées, et contrairement à ce que beaucoup disent, c'est pas juste des gens qui copient ce qu'a fait Nintendo ou Sega, et ils ont vraiment des idées. Mais Et moi je sais qu'ils avaient copié Nintendo quand tu prends le PS après, Move. oui, au niveau Ah de oui, enfin bah du ouais, bah move, ça. niveau du physique, clairement. Quand la PS Move a été montrée à l'E3, tu disais, ah oui, d'accord. Ouais, bah oui, c'est la copie de la Wiimote, quoi. C'est ça qu'on pense, hein. Mais tu Mais est-ce regardes, que ils en font quand 6 même Axis des c'était bien choses Nintendo différentes de aussi? Nintendo. Tout à Pardon? fait. Pardon, Gallium? Oui, est-ce que le 6 Axis c'était lié à Nintendo aussi? Ben, il faut Ah, dire que c'est. quand c'est arrivé en 2000, quand ils ont montré la 6 Axis, Il me oh semble que regardez, on peut faire des c'est mouvements, un peu en ça a tout de réaction, suite là. été perçu comme. Bah Ouais. ça clairement, enfin ils l'ont annoncé, ils l'ont implémenté 3 semaines avant le C'est ça, ouais, 3, et ça, il ça me semble marchait bien que ça a pas, été et fait à l'arrache, c'était ouais. pour dire on a notre truc de détection de mouvement, quoi. Et Ouais, finalement, c'est ça a jamais chancé, été ouais. exploité pleinement. Si, l'air à fond. Donc c'était déjà un premier Oui, bon, pas. oui, l'air. C'est un magnifique jeu. Flower, mec. Flower. Ah, Flower, oui. Je Poésie. suis un pétale. Oui. Non, il est très bien ce jeu. Mais non, le move, enfin en soi, c'est un bon objet, et c'est juste pas exploité du tout, quoi. Et je pense que c'est un peu mort du côté de Sony sur cette technologie-là. Enfin, sur cette génération. Même sur la génération suivante, je pense qu'ils vont partir Bah sur autre chose. maintenant, on pourrait même se poser la question, puisque tu parles du motion gaming en général. Moi, je me demande même si finalement l'ère du motion gaming n'est pas arrivée à son terme, tout simplement. Absolument pas. Tu penses pas? Ah non, Parce bah que quand quand tu je vois par regardes. exemple, justement sur la Wii U, on va parler sur la Wii U, mais Si quand je tu vois veux. le Wii Gamepad, enfin, c'est pas non plus. Ils misent Le. pas vraiment sur le motion gaming. Bah si, parce que le gamepad est plus beaucoup plus précis. Enfin pour moi, il est beaucoup plus précis qu'une Wiimote Plus. Et il y a des jeux qui l'utilisent très bien. Par exemple, Donkey Kong Crash Course sur Nintendo Land. Alors le concept est tout bête, hein. Voilà, on dirige un truc à roulette dans un tableau, mais ça fonctionne super bien. Et ça fonctionne bien dans, bah, ne serait-ce que sur le, ne serait-ce que sur le, la place dans Nintendo Land, où on dirige la vue en bougeant son gamepad. Et ça marche très très bien. Et je pense que ça va être encore très, enfin, ça fait partie de l'avenir du jeu. Et c'est aussi le cas, on le voit sur les smartphones, où c'est très utilisé. Et sur avec Kinect aussi, qui va Microsoft, là, contrairement au PS Move avec Sony, Microsoft Bah, vu que plus large, tout simplement, je pense. va clairement pousser Kinect. Ils vont sortir leur Kinect 2 avec leur Oui, prochaine ça, oui, de console. toute façon, c'est clairement et Et, simple, euh, et, clairement. c'est, et Alors, ça fait partie, ça fait partie de l'avenir du jeu vidéo, le motion gaming. je vous propose justement d'évoquer maintenant, là, parce qu'on a parlé du PS Move, de parler maintenant de Kinect. Oh, quelle transition. Donc Kinect, donc c'est vendu, alors c'est pareil, les chiffres sont autour du mois de novembre 2012. Donc Kinect s'est vendu à 20 millions d'exemplaires. Donc c'est un peu plus que le... Ouais, c'est pas tant que ça. Je pensais, en Ouais, fait, je pensais que c'est plus, ouais. ils ont fait un très gros démarrage et puis après Ouais, ils parce qu'ils ont ont vendu en enfin quelques... Bah, parce que les gens se sont rendu compte que c'était de la merde. ils ont le d'ailleurs ils ont le record du nombre d'exemplaires vendus. Alors il y a 700 000 Kinect vendus pour la France, mais là je suis au mois de juin 2012, donc c'est assez vieux, ça n'a pas C'est un été peu loin, actualisé. ouais. Donc, pour la petite histoire, il faut savoir que le système Kinect avait été présenté et proposé à l'époque à Nintendo, Qui les a qui avait été refusés, ouais. refusé, voilà, parce que pour eux c'était pas assez précis. Bon, d'ailleurs ils n'ont pas forcément tort quand on voit ce qu'est Kinect aujourd'hui, et les Ouais. conditions, surtout les conditions d'utilisation. Parce que Ah bah ça, oui, c'est sûr que tu à l'époque on rigolait bien quand on voyait les conditions d'utilisation du truc, quoi. vois, voilà, ils montent, ben, tu prends Ça a été la l'exemple. douche froide, je me rappelle à l'époque de Natal et tout. Enfin, à l'époque ça s'appelait Projet Natal, on se disait Exact. putain, ça va être complètement ouf. Et en Ah, fait, Molineux. Puis après on a vu voilà, Molineux, on ouais, a vu voilà. c'était quoi? C'était Forza. Ouais, putain. Il fallait avancer le pied pour accélérer, enfin Ah c'était... oui, au même Joyride, cette blague. Cette blague ultime. Bon, alors non, c'était énorme, c'est qu'en fait, pour accélérer, pour avoir un boost, en fait, fallait mettre les... Donc, en gros, t'étais debout, en fait, face au Kinect, face à la console. Et pour accélérer, donc le truc totalement pas évident, pas du tout ergonomique, il fallait mettre les deux mains entre les jambes. Mon Dieu! Comme si le volant que tu avais était face au sol, en fait. Donc, C'est sympa. c'était sympa, c'était un peu ridicule pour Oui, ça, bah quoi. ça, en même temps, on est Et t'as tous une un peu vidéo, alors ridicules devant une console, hein. t'as une vidéo qui est très drôle, c'est un gars qui se filme pendant qu'il est en train de jouer à la... Bah, pendant qu'il est en train de faire un tour de Joyride. Et en fait, il ne bouge absolument pas. C'est-à-dire qu'il a vraiment les mains. Les mains restent dans la même position que du début à la fin. Et en fait, tu vois la vidéo en même temps, le jeu qui s'avance. Et en fait, la voiture bouge d'elle-même. Donc, donc Comme dans après. GTA 6. Mais exactement, mais le mec ne bouge absolument pas, quoi. Donc, Ah, je crois qu'il finit troisième de sa course alors qu'il est. qui Alors bouge pas. qu'il ne bouge pas, qu'il n'accélère pas, qu'il ne booste pas, quoi. Donc c'était assez marrant. Bon, après, au-delà de ça, Microsoft a quand même proposé des choses, a quand même tenté Ils de ont proposé proposer des des choses. choses, mais en fait, dès que ça sortait du cadre casual, pur casual, quoi, c'était raté. Enfin, pour moi. Bah, t'as le Cette journée. fable de journée, pardon, qui essaye en fait de faire en sorte de faire avancer le joueur, si on peut dire. Ouais, mais même personnellement, j'ai pas été convaincu de ce que j'ai vu, mais Moi, bon bref. non plus, hein. Je pense que Bah, personne n'a été vraiment de ce que convaincu. j'ai vu, c'est surtout ce qui pêche, c'est la détection de Simulation de calèche, mouvement. quoi, super, quoi. Non, non, bah Oui, non, alors faut pas. Non, il va un peu Le plus jeu loin est quand beaucoup même, plus hein. Il a été poussé. dit, hein, Il c'est. y a un vrai côté RPG, et le jeu en soi, il aurait été bien si la détection de mouvement avait été Convaincante. réussie. Mais après, pour moi, il y a un pépin avec Kinect, c'est que j'arrive pas, je veux dire, à trouver quelque chose d'immersif, en fait, à partir du moment où j'ai rien dans les mains, genre si je dois Mais faire le geste, tout rien ça. n'empêche d'utiliser. Enfin, moi, je comprends pas pourquoi Les développeurs ne font pas des jeux jouables à la manette et avec certaines actions qui se font par le mouvement de... Mais pour moi, c'est ce qui s'adapte le mieux à les gamers, par exemple. Aussi, ouais. Par exemple, parce que je pense que depuis le début, peut-être que Microsoft pousse pour qu'il n'y ait aucune manette dans les mains. D'ailleurs, le marketing a été fait sur ça. Le marketing a été sur « Vous n'avez plus besoin de manette, maintenant on a le Kinect, vous pouvez jouer sans la manette. » Moi, je préfère encore qu'ils fassent des initiatives. Il y a des features sur certains jeux qui ont les fameux « Better with Kinect », tu vois. Mass Effect 3, j'étais sur PC. Bon, si j'avais fait sur Xbox 360, peut-être que j'aurais kiffé de voir gueuler mes ordres via Kinect, quoi. Mais sinon, enfin, des petites features comme mais ça. Sinon, oui, mais c'est des petites features, c'est des petits trucs, quoi. Mais sinon, pour des jeux, pour des jeux gamers qui sont entièrement liés au concept de Kinect, j'étais convaincu par rien pour l'instant. En l'état, là contrairement au PS Move et à la Wiimote, c'est que Kinect, là, au contraire, ça doit être du 1.1. C'est-à-dire, ça doit reconnaître tes mouvements. Si c'est pas le cas, tu perds toute précision, tu perds toute immersion. Tu prends pas le plaisir. Et à ce moment-là, tu peux pas dire la manette, c'est toi, quoi. Donc ouais. Là, ça pêche. Donc là, Kinect, lui, il y a une vraie obligation de précision, contrairement aux deux autres contrôleurs, même si les autres aussi ont besoin de précision. Mais pour Kinect, c'est vraiment ce qui fait ce qui est important dans cette détection de mouvement. Et actuellement, avec Kinect, c'est pas le cas. Donc, pour l'instant, c'est limité. Par contre, dans le futur, pourra reconnaître les doigts, quand ça pourra reconnaître différentes choses comme ça, que ça sera plus précis, je pense qu'il y a vraiment des bonnes choses à faire. Parce qu'en l'état, c'est vrai qu'il y a comme tu encore dit, faut-il que les développeurs fassent l'effort de développer des choses vraiment pensées pour ça. Quoi. Après, est-ce que j'ai envie de voir vraiment, voir que du motion gaming plus tard, je sais pas. Je crois pas que ça arrivera, ou alors ça viendra dans très très très longtemps. Non, ça arrivera pas, il y aura pas de... motion gaming, je crois qu'il n'y en aura pas. C'est juste, faut voir ça comme une alternative de jeu, comme des sensations de jeux différentes. Et à mon avis, ça remplacera pas. Ça pourra pas prendre la place d'un bon vieux pad, etc. Ça sera juste des accessoires, des outils en plus pour jouer. Imaginez un jeu où vous avez le joueur 1 qui joue à la manette, un jeu en coopération, pardon, le joueur 1 qui est à la manette et le joueur 2 qui joue avec les. Avec le Kinect, ça pourrait être des choses. Je pense que c'est faisable. C'est faisable, non, personne ne le fait. Il y a des choses à explorer, mais pour l'instant. Enfin, après, il faut que ce soit intéressant aussi à faire, parce que si c'est. Ah oui, mais personne n'a la volonté de le faire. C'est ce que la Wii U apporte avec le gameplay asymétrique. Tu fais. Je le vois par exemple dans le mini-jeu Metroid, où il y en a un qui, avec le gamepad, qui dirige le vaisseau. Metroid, enfin le vaisseau de Samus, et les autres ils sont à la Wiimote, ils sont en Samus et ils butent façon TPS, ils butent des ennemis. C'est du pur gameplay asymétrique, c'est ce que Kinect pourrait faire, je pense. Après, il y a le problème de on joue que sur un écran, quoi. Mais ça, je pense qu'ils pourront le régler. Avec des solutions, ils pourront apporter un deuxième écran avec Smart Glass, même si pour l'instant c'est trop limité pour pouvoir le faire. Ouais, puis, mais il y a clairement des possibilités, il y a plein de choses à faire avec Kinect. Tu prends l'exemple de Sony Nintendo, Sony et Microsoft, pardon. Ce sont deux constructeurs qui ont déjà lancé leur tablette, donc ça n'empêchera pas jouer avec ces accessoires-là, ce matériel-là. Alors, je crois qu'on n'a pas tout dit, parce que on est parti un peu vite sur je suis parti un peu vite d'ailleurs sur les prolongements. Sauf qu'on n'a pas évoqué quelque chose qui, pour moi, au final fondamental, c'est l'approche de Nintendo et du jeu online. Parce que tu veux ton Konami? Allez, donne-moi le Konami. Pour l'instant, il était tellement déçu, 1, 2, 4, 5, 6. C'est-à-dire que pour l'instant, on a été quand même quand même vraiment clément, et bon, c'est une console qui le mérite aussi, parce qu'elle a des Oui, atouts pour elle. trop bien. elle a Sauf que, des alors, défauts, mais c'est il y a une deux bonne console. choses, il y a deux choses à voir, il y a deux choses à voir avec le jeu online, c'est le jeu, ben, évidemment, le jeu contre les autres, et c'est également tout ce qui est console virtuelle et les jeux uniquement disponibles en téléchargement. Alors, je vous propose d'abord de commencer par le jeu Par le online, parce pire? qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Hein. Oh oui, oh Alors, oui. parlez-nous. Alors, qu'est-ce qui peut m'expliquer ce qu'est un code ami, s'il vous plaît? Ah, oh, le code Et ami. quels en sont ses Ah, principaux mais défauts? voyons, C'est de on la en a merde. tous un, voyons. Bah, le code ami, Ah, c'est en même fait le plusieurs, si on système de veut. Ouais. reconnaissance online des personnes, quoi. C'est-à-dire, on a un code ami sur la console. Sur la console. C'est une série de 12 chiffres. 12 chiffres. Et donc, on le rentre dedans. Il faut que l'autre aussi le rentre, le code Oui. ami, voilà. Mais C'est pareil sur alors, premier. ce qui est génial pour la Wii, c'est que t'en as un pour la console et t'en as un pour chaque jeu aussi. Voilà, c'est Putain. ça Ils qui sont était beau à différents à chaque l'époque. fois. C'était magnifique à l'époque. Quand on avait le code ami pour chaque jeu, oh là là, c'était Non merveilleux. mais en Quand même on temps c'est revient. trop facile, attends, sur Microsoft et tout, sur PS3, attends, je veux dire, t'as juste T'avais une un annotation, pseudo, quoi. t'as juste un pseudo et ça y est, t'es connecté, alors attends, Non, et puis faut que même ce t'as soit une plus. annotation, machin veut devenir votre ami, Voilà. t'acceptes ou tu refuses. Non, là c'était une vraie aventure quoi. T'es investi, tu veux Faut que être ce mon soit. ami, très bien, tu rentres le Faut code. que ce soit difficile, quoi. Enfin Voilà, voilà, quoi. faut en chier Sinon quoi. c'est pas marrant, quoi. Ah oui, Voilà. non mais les codes amis c'est. Oh là là, bon, C'était c'est une grosse merde. déjà c'était pas une inconnue parce que c'était la même chose sur DS, hein. Mais sur Wii c'était. Oh là là. Il fallait pas les rentrer plusieurs fois, c'est-à-dire Bah si que. justement t'avais un code ami pour la console et t'avais un code ami pour tous les jeux, un code ami différent, je Par précise, hein. exemple, t'en avais un pour Mario Kart et t'en avais un différent pour Mario Strikers. Oh Voilà. merde. Et c'est ça qui était beau. C'était magnifique. Bah, On c'est ça prenait, qui on se faisait qu'on faisait, jouait on pas online, se quoi. chiait, on s'en chiait pour se rentrer dans la console, tout. Les Oh là gens ne là. sont pas intéressés par le jeu en ligne. Voilà, oui, mais Satoru quand tu Iwata. ouais, mais quand tu rentres quand tu fais une bonne interface online, je peux jure que les gens seraient plus intéressés. Ouais, Là, oui, t'étais bah, pas c'est du tout vrai. intéressé. Non. Voilà. Ah, c'était tellement la merde. Oh là Non, là. c'était oui, Mais en c'était. plus, c'était. Enfin, moi, j'ai. De tous les jeux que j'ai essayé online, parce que bon, on n'était pas. Enfin, la plupart, on n'était pas obligé de rentrer des codes amis pour jouer en ligne. Hein. C'est Puis d'ailleurs, même sur pour jouer DS, avec hein, ses amis c'est un peu de la merde. qu'on jouait, qu'on faisait ça. Il ouais, y avait quand même du matchmaking, enfin, du random. Aléatoire. Voilà. Mais c'était laborieux. Enfin, Oh, Smash Bros. Smash Oh Bros, là, ça le laguait brawl. comme pas possible. C'était Oh horrible. oui, c'était horrible. C'était Mario Strikers, horrible. c'était plutôt pas mal Non, quand t'es Mario tombé Striker, sur. il faut quand même dire que c'était vraiment l'exception. Parce que Ouais, mais pour y avoir c'était souvent ultra joué. limité. Tu pouvais faire que des matchs tout Ah oui, simples. non, Tu mais oui. pouvais pas. Enfin, c'était. Il y avait quand même un petit Ça marchait système de plutôt ranking, il bien. semble, non? Il n'y avait pas un système de classement avec Mario Striker? Un petit, je crois, non? Je sais plus. Je crois pas que c'était. Enfin... Personne ne s'en est servi en fait. Si, si, moi j'ai joué, c'est ça le pire. Ici, mais moi Mario aussi j'y ai Striker, joué j'ai un joué. peu, Mais non, mais mais c'était pas il faut quand même intéressant. préciser que Mario Striker, ils avaient fait un. Ça laguait pas souvent et c'était plutôt stable. C'est le seul jeu stable que j'ai Et vu sur Wii. on trouvait quand même du monde relativement facilement. Ouais, exactement. Mais il faut dire que Bah, ça, à l'époque, Mario c'était le Kart, premier c'était jeu, hein. plutôt pas mal aussi, mais même si il divisait par deux le nombre de FPS, mais c'était ça fonctionnait plutôt bien parce qu'en plus ils avaient la chaîne dédiée et tout. Mais les modes étaient, enfin ouais, il y avait des, enfin c'était, il y avait des, tu pouvais pas quand tu, putain c'était l'horreur ce truc. Quand tu voulais jouer avec un ami à Mario Kart, oui, tu pouvais pas jouer sur une partie publique. Tu pouvais faire que des parties privées. Donc Oui. si t'avais qu'un pote de connecté, tu faisais des courses à deux. Ah, Trop naze. magnifique. C'est ça qui est beau. C'est Bon, faut quand même super chiant. préciser qu'avec la 3DS, ça s'est quand même un peu amélioré parce que là, on C'est un n'a peu plus qu'un amélioré, seul mais code ami. tu dois quand Sur même une normale, rentrer ouais. réciproquement le code Oui, mais de ça, ton on ami, va quoi. dire que Bon. c'est quand même beaucoup moins chiant. C'est On pour a la le code rigolade, ami à la, quoi. T'as on un a le code code à ami pour la entre-deux. console et voilà quoi. Le seul truc qu'ils auraient dû faire, c'est peut-être une annotation ou une notification, genre un tel Et tu veut peux devenir ça. votre ami, tout Ah, simplement. non, oui, d'accord. Là, Oui. une annotation quoi, une notification. Ouais. Ça aurait été le truc, aurait été la Ah, mais là, c'était révolution quoi. déjà trop. Ah, ouais. La notification. Attends, Nintendo, ils ont déjà la HD, alors attends, maintenant, alors Mais la imagine un bon notification est online, arrivée avec la quoi. Wii U, s'il te plaît. Ouais, maintenant. Ils ont fait des efforts. Mais faut par des moyens détournés, hein, parce que quand tu rentres juste. En fait, t'as deux moyens de rentrer enfin de faire une demande d'amis. Et il y en a un, c'est par la liste d'amis classique, tu fais ajouter et tu mets le pseudo du gars. Déjà, c'est un pseudo, normal. C'est plus un code. Oh, oh, révolution. Mais si tu fais ça, faut que l'autre il fasse pareil. Parce que ça fait pas une demande d'amis. C'est magnifique. Mais par contre, si tu vas dans le Miiverse et que tu fais rechercher un profil, tu recherches, tu vas sur le profil du gars, tu fais demande d'amis et là ça envoie une demande. C'est bien foutu quand même. Ah non, mais des fois il faut, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, franchement. Mais cela dit, ça, enfin voilà, quand, après quand oui, tu non, sais après, ça tu marche, passes sur un profil, c'est voilà, c'est juste que c'est con de pas l'avoir fait. Bah Nintendo enfin, voilà. Peut pas tout faire, ils peuvent pas tout faire d'un coup, hein, tu vois. Non, bah, peut-être déjà, avec déjà, un patch quand hein, tu vois et... le, quand tu vois le gap entre la Wii et la Wii U au niveau du online, enfin est quand même assez impressionnant et le online de la Wii U, il est au moins aussi bien que le Xbox Live et le PSN. Ah, oh, mais attends, peut-être avec un futur, peut-être qu'avec une future mise à jour, on aura peut-être la notification enfant. Putain, qui ouais, sait. Ce serait bien. Ce serait bien. Ce serait notification de quoi? La notification quand tu rentres dans la liste d'amis. Mais enfin oui, bah ça existe déjà, mais pas un moyen détourné quoi. Mais, oui, bah faut aller dans le Miiverse. Oui. C'est ce que tu voulais dire, ouais. Oui. Ouais. Mais après, enfin voilà, ce que je voulais dire, c'est que là, il y a des trucs sur lesquels ils sont encore un peu en retard, mais il y a des trucs aussi où ils ont pris une sacrée avance sur ce qui se fait actuellement sur les autres consoles. Alors, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais... Et ben, Romain, si tu veux reprendre le. Bah, contrôle, il faut laisser le host continuer non, un petit non, peu. Je laisse, non, je vous écoutais religieusement. Je, non, je, tout, je vais juste tout ça pour dire deuxième, que. Le deuxième volet de la question, c'est notamment par rapport au jeu. Jeu disponible en téléchargement sur la Wii. Et je parle pas seulement des jeux des Super Wii NES. Ah, de la console virtuelle. Voilà, la console virtuelle, merci. Bah, oui. Je pense, alors il y a eu plusieurs choses. Je pense d'abord, il me semble que c'était Super Meat Boy qui voulait, alors le développeur de Super Meat Boy qui voulait donc mettre en place. Edmund Macmillan. Non, alors en fait c'est la Team Meat, donc oui, la Team Meat, ouais. Qui a développé Super Meat Boy. À la base, ils ont développé Meat Boy, un jeu Flash sur PC. C'est ça, ouais, c'était sur Flash. Ouais. Qui est dans The Basement Collection d'ailleurs. Exactement, sur Steam. Ouais. Et en fait, Nintendo, c'était les premiers à aller chercher Team Meat. Et ils leur ont dit, c'est au moment où ils lançaient le WiiWare, et ils leur ont dit, ils savaient qu'ils préparaient Super Meat Boy. Ils ont dit, vous nous le faites sur WiiWare, et on vous aide à le financer, etc. Et en fait, ils ont commencé à développer donc sur WiiWare. Et puis ils ont commencé à galérer un peu. Ils ont au bout de un an et demi où le jeu a été dévoilé pour la première fois, enfin annoncé, etc. Ils ont dit on le sortira aussi sur 360 et PC. Et puis ils ont avancé dans le développement, ils ont fini par sortir le jeu sur 360 et PC. Et puis sur WiiWare, finalement ils ont continué le développement, mais ils ont fini par lâcher l'affaire parce qu'il y avait des limitations, donc les fameux 40 mégas qu'on pouvait pas dépasser, et ils ont arrêté puisque il fallait qu'ils fassent des concessions pour que tout le jeu rentre dans les 40 mégas, ils voulaient pas faire ces concessions, notamment sur le son. Et donc ils ont abandonné le développement sur WiiWare. Attends, il devait y avoir Régifissime quand même personnage jouable, s'il te plaît. C'est ce qu'ils avaient dit. Ouais. Ça, ouais, c'était putain, un bon truc. Ça, Reggie, cool. Personnage jouable de Super Meat Boy, j'aurais payé rien que pour ça. Mais bon, ça fait partie des initiatives à partir du lancement du WiiWare, en fait. Et à partir de ce moment-là où Nintendo a commencé à évoluer dans sa politique d'éditeur tiers. C'est-à-dire essayer d'aller chercher d'aller chercher des jeux tiers pour les apporter sur sa plateforme. Le gros problème, c'est qu'ils avaient finalement les limitations, les limiter justement. Donc sur cette génération, je pense qu'ils ont un peu fait. Ils ont quand même sorti des jeux, mais après, ils ont un petit peu lâché l'affaire pour après se concentrer à fond sur la Wii U. Et on voit que la politique online de la Wii U, au niveau Elle des est, sorties euh, ouais, elle est dématérialisées, elle est complètement beaucoup mieux. différente. Et donc, il y aura beaucoup plus de possibilités à ce niveau-là et de voir ce qui va se passer, quoi, tout simplement. Et d'ailleurs, ça porte déjà ses fruits Ben, des je jeux crois. comme Little Inferno, par exemple, je pense qu'on les aurait jamais vus sur Wii. Bah, pour en citer Si, qu'un. si, puisque c'est Tomorrow Corporation, c'est les anciens 2D Boy, et ils ont fait World of Goo, qui était sorti à la base sur PC et WiiWare D'accord. en même temps, et qui avait d'ailleurs fait de plutôt bonnes ventes sur WiiWare. Ouais, donc ça, et puis Mais mais on l'aurait vu, mais un Train 2, par exemple, on ne l'aurait jamais vu. oui, on l'aurait Et jamais eu. Voilà, pour Train 2, ouais, d'ailleurs, c'est un bon exemple. Frozen Byte, ils ont annoncé, donc le développeur, ils ont annoncé que déjà, puisqu'ils ont, ils ont lancé le jeu pardon, avec une promo, déjà, ils avaient fait plus de ventes que sur PS3 et sur 360. Donc enfin, la politique de Nintendo porte sur la Wii U. Porte déjà ses fruits et je pense que ça va bien continuer. Ils ont retenu les leçons en fait du WiiWare où ils s'étaient réellement plantés, parce que sur le WiiWare il y avait quand même tout qui foirait quoi. Il y avait la limitation de 40 mégas, il y avait bah, le fait que enfin la boutique Nintendo, enfin c'était d'une lenteur abominable. Enfin, Ah non, mais c'est c'était. hallucinant Je n'ai quoi. pas du tout attirant. Je n'ai pas du tout Pour attirant. acheter un jeu, il te faut une demi-heure. Enfin, c'est hallucinant. Là, j'ai acheté La Mulana récemment. Enfin, le jeu, j'ai mis ouais, le temps d'aller dans le menu, de trouver ton jeu, de lancer le téléchargement. T'en as ouais pour facile un quart d'heure, 20 minutes quoi. Puis ces magnifiques musiques d'ascenseur. Ah, celle de l'eShop, elle est horrible, hein. Ouais, et Ça, puis c'était voilà, magnifique. Celle t'as de pas, l'eShop, elle t'as est pas horrible aussi. le, t'as pas le téléchargement en tâche de fond. Ah, ah oui, bah T'as, ça c'est c'est chiant. ça c'est Mais très bon, très chiant. Tony a mis du temps à le proposer aussi, hein. Ah bah ça, après. Et Bah maintenant, reste à voir ce qui va être proposé dans le futur. Moi, ce que j'en parlais avec quelqu'un d'autre, mais je pense que par exemple, il y a eu l'annonce de Fez qui pourrait être porté sur d'autres plateformes. Je vois bien Fez sur Wii U, par exemple. Oui, je pense aussi. Fait sur Wii Encore U, une fois, PC la et politique, PSN, quoi. la politique de Nintendo envers les tiers, c'est, enfin, clairement, ils veulent attirer, parce qu'ils ont vu que c'était un gros marché quand même, et que Steam et que le Xbox Live Arcade, c'était quand même des sacrées ventes et un ajout au catalogue de la console qui est quand même pas négligeable. Et je pense que déjà, en fait, quand ils ont lancé le WiiWare, c'était vraiment pour les indés et pour les petits développeurs, puisque eux, ils n'avaient pas prévu de développer sur cette plateforme, et d'ailleurs, ils ont très peu développé sur cette Ils sont très plateforme. très peu développés. Ouais. Et. Peut-être ça aussi une lacune, qu'ils auraient dû Bah, oui et développer non, certains jeux, peut-être. oui et non, parce que enfin, on leur reproche de cannibaliser les ventes sur leur console. Du coup, ils font un service pour les petits développeurs. Ils vont eux, c'est pas dans leur idée de se mettre sur ce service-là pour aussi cannibaliser les ventes de ce service, quoi. Non, mais peut-être aussi proposer des trucs différents, tout simplement, qui seraient détachés, justement, pas bah, comme ils le font en fait Après, sur oui, bah 3DS. ouais, comme sur On voit sur 3DS avec 3DS, ils font des trucs différents par rapport à tout ce qu'ils font sur Wii, Wii U et 3DS, justement, les jeux Oui. cartouches. Ils devraient faire ça, ils auraient dû utiliser. Bon, après, Et c'est peut-être les limitations. c'est une des leçons qu'ils ont retenues, je pense, de SwiftWare, justement, c'est que. Je pense qu'il y aurait moyen de faire, par exemple, je prends un exemple con, mais on dit que Miyamoto voudrait se détacher, par exemple, des gros jeux. Justement, peut-être que Miyamoto pourrait proposer ses prochains jeux sur le Wii U, enfin sur l'eShop, des trucs un peu plus confidentiels, un Et peu plus. je pense que ça va être le cas, parce que Nintendo a toujours eu des petits jeux laboratoires, en fait, comme les Staffy des jeux comme ça où ils testent des éléments de gameplay, etc. Ce serait une Et excellente. c'est ce qu'ils ont fait sur Dylan's Running Western, par exemple, ou Toon Blocks, sur 3DS. Ça leur permet de tester certaines idées de jeux et après les intégrer sur des jeux plus ambitieux. Et je pense qu'ils ont retenu la leçon du WiiWare là-dessus, où ils voulaient absolument pas développer dessus. Maintenant, ils développent dessus, mais ils développent des choses différentes, Mais des petits justement, jeux mais de toute façon, laboratoires, chez les quoi. trois développeurs, je veux dire même Sony, ce que Sony développe sur le PSN, c'est des trucs différents de ce qu'ils pourraient proposer en Oui, boîte, tout clairement, simplement. On clairement. voit ça, hein, il y a une politique là-dessus. Donc Nintendo aurait intérêt à faire ça, à proposer des jeux différents, même comme je disais, pour Miyamoto. Miyamoto, justement, qui ne veut plus faire de gros jeux, entre guillemets, pourrait se recycler sur l'eShop, faire des trucs à lui, des expériences. Et comme ça, il pourrait proposer des trucs qui seraient beaucoup moins ambitieux peut-être, mais beaucoup plus amusants à faire, un peu plus expérimental et peut-être Oui, plus musique 2. intéressant même. Ouais, oui, musique 2, putain. Oh Lol. putain, non! Non, Non, mais mais même au niveau, oui, mais je même me moins réveille, coûteux, toi. mais même moins coûteux à acheter. Je veux dire, par exemple, moi, ça me ferait moins chier d'avoir un jeu d'acheter un truc un peu plus expérimental, mais peut-être plus intéressant. Une quinzaine ou une vingtaine d'euros que d'acheter la cartouche 40-45 euros, quoi, tout Bah, simplement. c'est l'intérêt du dématérialisé Tout sur à fait, console, hein. voilà. Tout à fait. C'est le mot, tout à fait. Exactement. Alors, pour conclure, on peut. Après ces 6h30 de podcast, quand même, Oh je là m'imagine. là! Mon T'en as Dieu. passé nouvel an ensemble à faire le podcast, Et hein, attention, y a un truc qu'on n'a pas parlé hein. Atsi. sur le online, c'est Seigneur, les Seigneur, chaînes oui. les chaînes de Ah, vote les chaînes. Ah là là. concours demi et La chaîne horoscope et sondage. trucs comme ça. La La chaîne chaîne sondage. sondage, mec. La chaîne sondage. Ça, Ça, c'était c'était grand. magnifique. C'était magnifique, voilà. C'est tout ce que tu veux dire sur la chaîne Voilà. Ouais. Parce D'accord. que Ces après gens j'ai se cité contentent parce que de c'est super peu. important. Ces gens se contentent de peu. Donc là on a quand même réussi à faire 6h30 sur la console la Wii, alors Ah, n'est-ce pas? que J'ai cru. donc une grosse partie quand même sur les jeux qui ont quand même été suffisamment importants en termes de nombre, en termes de qualité pour être évoqués ici. Et ensuite toutes les questions qu'on a pu se poser autour de la Wiimote, du Nunchuk, donc de la Wii en général également, de ce qu'elle a pu apporter aux jeux vidéo. Donc voilà, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez retenir par rapport à la Wii, un jeu, une anecdote par rapport à la console, hein? Toon The Boom. Conduite? Alors bah tiens, Ta gueule. parle-nous-en de The Conduit, parce que nous. Ah, ça, c'était énorme, quoi. Moi, je m'en rappellerai toujours dans les forums, on était tous, enfin, moi, je m'en rappelle, à l'époque, je suivais beaucoup l'actu de la Wii, et on était tous dessus sur The Conduite. The High Voltage, ils nous proposaient, allez-y, vous allez avoir une super expérience, Ils faisaient démo FPS technique de leur moteur et tout. comme chez les consoles HD, un gameplay énorme, vous allez voir, ça va péter. Et puis, on a vu le jeu, c'était de la merde. Et puis voilà, au revoir. Et puis attends, ils ont quand même fait The Conduit 2. Ouais, Attends, Il va y la avoir, il y suite. aura The Pire, Conduit apparemment. 3. Non, Non, sans ils ont pas fait déconner. le 3. Ils ont fait que le Non, 2. mais il va y en avoir un. Oh Oh putain! putain! C'est une conduite. Hein. Mon dieu, The Conduit. Ah, mais The Conduit. Ça, c'était vraiment genre l'expérience. En fait, ça symbolise un peu ces jeux de la Wii ces petits développeurs qui ont voulu tenter quelque chose, peut-être. Et qui sont plantés en beauté. Mais en plus avec des moyens, hein, puisqu'il faut pas oublier que The Conduit, c'est Sega qui était derrière, qui Ouais, non, distribuait mais le il n'y avait jeu. pas de Pauvre moyens. Il Sega. n'y Enfin, avait il n'y pas avait de pas de moyens, en moyens. fait, ils C'est distribuaient justement, ils juste. avaient l'impression qu'ils avaient des moyens, mais ils n'en avaient pas. Il n'y avait pas de Et c'est moyens, Sega derrière, justement. mais Ils sur, n'ont non, pas de mais sur moyens. les Pauvre forums, je m'en Sega. rappelle, on était tous dessus, genre The Conduit, ça va être la killer app de la Wii, genre ça va bluster tous les autres FPS, hein. Oh la vache. C'était énorme. Et maintenant, il salope Zolom's Ender, quoi. Ouais, il n'y a pas grand-chose à saloper. Oui, oh. Oh. Ben, Attends, Antoine, est-ce que tu as quelque chose à Tonton, est-ce que tu as quelque chose bah, moi, juste pour conclure, la Wii, ça a été une super belle console pour moi, et ça l'est toujours, parce que j'ai encore des jeux à faire dessus. Mais j'ai joué à énormément de jeux dessus, j'en ai aimé la plupart, Malgré tous ses défauts, parce que oui, elle a des défauts, c'est une console que j'aime énormément, qui m'a apporté des sensations de jeu différentes et qui, je pense, avec le recul et dans quelques années, sans tout le côté technique qui lui a fait défaut sur cette génération. Sera une console énormément jouée et énormément appréciée par les rétro gamers. Et j'aimerais rajouter aussi une chose sur la Wii, un peu plus peut-être sur le sens justement de la console Wii pour Nintendo. Et pour moi, je pense que la Wii, de toute façon, c'est un peu le reboot de Nintendo au niveau qu'est ça? C'est un peu comme un nouveau point de départ pour Nintendo au niveau des On l'a consoles de dit, salon. c'est une nouvelle Famicom. Voilà, c'est une nouvelle Famicom, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils ont, pour moi, ils ont repris à zéro. C'est-à-dire que la Famicom aussi à l'époque c'était considéré comme une console pour toute la famille qui devait brasser le maximum de monde, tout ça. Et finalement là oui c'est un peu ça, ils sont repartis de zéro Non, à ce niveau-là. bien sûr, c'est la Famicom comme la DS et la nouvelle Game Boy. Ils sont repartis totalement de zéro avec ça. Et on voit et moi pour moi la Wii U pour moi est considérée un peu comme la suite finalement. Bon après il y a Game Attends, Pass, il y a plein ça des c'est à se choses, tout ça. confirmer. Ça il faut que ça se confirme, hein. Il faut que ça se Ça confirme se aussi, trouvait. effectivement. Dans l'attention, c'est ça. Ça se Dans trouvait, l'attention, c'est ça. D'ailleurs, ils ont c'est gardé le même nom. Hein. D'ailleurs, ils ont gardé le même nom. Super Nintendo. Et là, on a Wii U aussi. On garde le. Ça En fait, se trouvait, c'est ce qui va être très excitant à venir, d'ailleurs, je c'est ce qui pense, va être, avec c'est ce qui va la. être important à voir. D'ailleurs, je pense que Mais. l'E3 va être important à voir à ce niveau-là. On va voir ce qui va se passer au niveau software de Nintendo. Car maintenant, ils n'ont plus la pression de présenter leur nouvel hardware. Maintenant, c'est surtout le software qui va être important. Donc, on va voir ce qui va se passer. On va voir ce qui va être annoncé. Et ça va être important de voir à ce niveau-là le futur de Nintendo. Et toi, Gadium, pour te concernant, qu'est-ce qui t'a marqué toi par rapport à la Wii, un jeu en particulier ou... Des jeux que j'ai pas pu jouer surtout parce que bon moi la Wii malheureusement je m'en suis séparé assez tôt, enfin un an et demi après Tristement. quoi. Donc mais maintenant, c'est vrai que j'essaierai bien de me rechoper une pour refaire les Muramasa, les Donkey Kong Country Returns, tout ça. Je pense que c'est une bonne affaire ce qu'il y a, si vous l'avez pas. Enfin, si vous avez plus ou pas de Wii, maintenant il commence à avoir il y a une vague Surtout que de. les jeux sont vraiment pas chers. Là, Voilà, c'est pas encore cher. récemment, j'ai acheté GoldenEye à 10 €. Enfin, ouais, Et il y a plein de jeux qui sont vraiment pas chers. c'est pas cher, il y a vraiment une bibliothèque respectable. Et donc c'est toujours intéressant, je pense, de prendre une Wii. Si on n'a pas évidemment, si on est, si, si sauf si évidemment on est bourgeois et qu'on veut acheter une Wii, mais voilà. Pour Et voilà. terminer, moi j'aimerais juste parler de moi, c'est Super Mario Galaxy en fait qui m'a marqué au moment où j'y ai joué, parce que le fait de se retrouver justement dans l'espace, sur des mini-planètes, j'ai tout de suite accroché au jeu. Bon, en même temps c'est un Mario, mais ils ont su prendre des risques de sortir des sentiers battus par rapport à ce à quoi on est habitué pour Mario, et c'est vraiment une très belle expérience. Bah Il pour faut moi, dire que Sunshine avait été très mal reçu voilà, en même il est temps. bien plus mémorable que Sunshine, c'est sûr. Ouais, oui, c'est sûr. Mais là, t'as vraiment un jeu qui graphiquement, on conserve le design de Mario qui est simple évidemment, mais était vraiment très très bien mis en valeur sur Wii. On allait au-delà de ce que beaucoup disaient, que c'est d'une simple GameCube améliorée, quoi. Je trouve que graphiquement, ça, c'était vraiment très sympa et ça m'a beaucoup marqué le fait d'aller sur différents mondes qui à chaque fois avait sa patte graphique, son décor à lui, et qui permettait d'accrocher tout de suite au jeu, quoi. Donc voilà, c'est sur Belle ces belles parole paroles, sur sur ces Super Mario mots, Galaxy. que nous allons vous quitter et que nous allons vous dire Déjà? à une prochaine fois. Oui, tout à fait. Il n'est que Ça fait 7 heures de 6 h. podcast, quoi. Moi j'en veux encore. Tu en veux encore? Tu Ah, peux mais les faire. gens veulent plus de toi, Chino. Non, Voilà. les gens m'en marrent. Les gens. Les gens en ont marre, Il y a un moment où il faut partir, monsieur, faut pas rester là. Hein. Voilà, ouais. Je peux pas faire la fermeture? Ah, non, Non, non, non. on s'en occupe, on te laisse vaquer tes Salaud, occupations. casse-toi. Voilà. Voilà, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée, quel que soit le moment à laquelle vous Bonne écoutez nuit. cette Bonne nuit, émission. bonne Et matinée. puis à Ou une la mauvaise journée, même, prochaine. hein. Allez, salut, au revoir. Salut. Salut. Salut.